premier qui vient à l'esprit. Je vais vous en donner un sujet, c'est bien important. Hein? L'entente? L'entente? Mais avant de parler de l'entente, je vais vous parler d'autre chose. Je veux aller plus profond dans le domaine du discernement. Je vais approfondir les domaines que j'ai commencé à parler parce que ça, c'est des domaines clés. D'abord, le discernement, le discernement, c'est une faculté de l'homme. C'est une faculté essentielle à l'homme. Sans discernement, l'homme ne peut pas vivre sa vie. Il est obligé de la subir, sa vie. Puis plus il devient sensible aux forces supramentales, plus il souffre. S'il n'apprend pas, avec le temps, à développer le discernement. Puis le discernement et la volonté, ça va ensemble. Je parle pas du discernement philosophique. Je parle de l'intelligence précise. Les pensées précises. L'intelligence qui est fondée sur la relation entre notre mental inférieur et la vibration du mental supérieur et du supramental. Où le mental inférieur et le supramental se rencontrent, cette sorte d'intelligence-là, nous donne le discernement. Mais on ne peut pas avoir le discernement sans le développement de la volonté. Et le discernement, ça s'acquiert. On ne peut pas l'avoir dans un instantané parce que c'est directement lié à l'expérience. Puis l'expérience qui est nécessaire pour nous faire connaître le discernement, qui est la manifestation psychologique du supramental sur la Terre, c'est une expérience qui est douloureuse, que vous le vouliez ou que vous ne le voulez pas, est douloureuse. Parce que plus on devient supramental, plus on devient sensible aux vibrations de ces chiens-là en haut, plus on a tendance à souffrir. Parce que la pénétration dans nos corps, de leur énergie, fait qu'à cause de notre ego, on souffre. Et de là, on développe la volonté. Et de là, on développe la rébellion contre les façons d'agir qu'on a qui sont pas ajustées pour en arriver à développer des façons d'agir précises, ajustées ou supplémentaires. Le discernement, c'est le résultat de la combinaison de la volonté et de l'intelligence dans l'homme. C'est pas seulement de l'intelligence. C'est la combinaison de la volonté et de l'intelligence dans l'homme. C'est la faculté la plus abstraite et la plus puissante que possède l'homme sur le plan de la vision globale et totale de sa vie. Vous pouvez avoir de la sagesse jusqu'au bout des doigts, mais si vous n'avez pas de discernement, que part dans le temps au cours de l'évolution? Quelque part au cours de votre vie matérielle, quelque part au cours de votre vie sur les autres plans, vous serez obligé de vivre les illusions qui existent sur différents plans dans le cosmos. Puis tant que vous allez vivre des illusions, vous ne serez jamais des erreurs libres, puis vous ne connaîtrez jamais qu'est-ce que c'est la vie. L'homme, pour être heureux, pour être bien dans sa peau, doit être capable de connaître les manigances des forces supramentales qui s'organisent toujours à son insu pour y jouer un cul, tout le temps. Les forces supramentales, dans leur descente dans l'homme, sont obligées de bousculer une terre très grande en quantité d'illusions. Quand l'homme devient sensible aux énergies et commence à souffrir dans ses corps parce qu'il a beaucoup, il s'est beaucoup sensibilisé au choc vibratoire, il vient un moment où il se sent obligé de faire descendre sa volonté et dans ce processus-là, d'éclairer son action précisément comme un chirurgien se sert d'un couteau, d'un scalpel pour bien couper la peau du corps qu'il veut investiguer. plus tu as du discernement, moins tu laisses les événements de la vie prendre une tangente qui peut te faire souffrir. Avoir du discernement, développer le discernement, c'est en arriver à avoir tellement d'intelligence que tu ne peux plus souffrir. Tu es voué venir les coups. Puis la qualité fondamentale du discernement en ce qui concerne avec l'homme, en ce qui concerne l'homme, c'est la capacité de pouvoir se fier totalement à ce que lui s'instruit d'être, à ce que lui veut être. Pas à ce qu'eux autres veulent que tu sois, parce que c'est une illusion, ça. C'est bien subtil, la nuance, que je dis. On va prendre lui dans le coin, là, qui remorque des bateaux. Lui, sa vie, c'est de remorquer des bateaux. Sa vibration est là-dedans. C'est son plaisir est là-dedans. Sa joie de vivre est là-dedans. Son expérience est là-dedans. Puis dans ça, dans ce cadre-là, eux autres vont pénétrer sa conscience et l'amener à développer un grand discernement. Lui, sa job dans vie, c'est de vivre sa vie. Pas de s'occuper d'eux autres, puis pas de s'occuper de ce qu'eux autres vont insuffler de temps en temps dans l'avenir, ce qu'il va faire dans 20 ans ou dans 15 ans. Mais sa job dans sa vie, c'est sa job aujourd'hui. C'est de faire ce qu'il veut faire aujourd'hui, ce qu'il aime le plus aujourd'hui, quel que soit ce qu'eux autres en haut vous disent. Parce qu'eux autres en haut vont toujours vous parler pour vous faire croire des affaires. Ils vont toujours, si vous avez le contact avec eux autres, ils vont toujours s'organiser pour vous créer des ballons dans les airs. Puis à un certain moment, vous allez voir que les ballons qu'ils vous ont créés sont pas les ballons que vous devez vivre. Sont pas les ballons dans lesquels vous allez être bien, dans lesquels vous allez être dans votre peau, dans lesquels vous allez être heureux. Ça sera toujours d'autres sortes de ballons dont eux se servent pour attiser en vous un certain feu spirituel. Mais quand vous en arrivez à développer le discernement, puis que vous commencez à voir dans le jeu, puis que vous commencez à être intelligent, puis vous commencez à pouvoir refuser, leur refuser, des impressions qu'ils vous souffrent ou qu'ils vous mettent dans l'esprit, à ce moment-là, vous commencez à être smart. Puis c'est à ce moment-là que vous commencez à vous occuper de votre bateau, et non de leur bateau. Les hommes sont abusés sur la planète Terre. Ils sont abusés des hommes, mais ça, on ne s'occupe pas des hommes. L'abus des hommes contre les hommes, ça fait partie du problème de l'individu. Un jour, quand tu deviens centré, tu n'es plus abusé par les hommes. Mais l'homme est abusé par des forces encore plus grandes que l'homme. Ce sont les forces de vie, ce sont les forces d'intelligence qui sont à nous autres, qui font partie de nous autres, qui s'enregistrent dans notre mental, puis dont nous autres, à cause de nos pensées et nos sentiments, on est incapable de voir clairement. On est des niaiseux. C'est pour ça que le discernement, c'est une hache. C'est un couteau, le discernement. Un couteau extrêmement affilé. Qui nous donne la capacité, nous autres, de réaliser une chose, quelque part dans le temps, c'est qu'on est sur le plan matériel pour immortaliser nos corps. Un point, c'est tout. Quitte après ça, changer la civilisation, changer la planète, changer la conscience de la planète. C'est pas grave, c'est plus tard. Ce qu'on va faire dans 20 ans, dans 30 ans, si on s'accroche à ça aujourd'hui, on est fini. C'est de la niaiserie. Un enfant qui est au monde ne s'occupe pas de ce qu'il va faire dans 15 ans. Il s'occupe de jouer avec ses jouets tout de suite. Mais nous autres, à cause de nos sentiments, puis nos désirs, puis notre solitude existentielle, le fait qu'on n'est pas centrique, le fait qu'on a des illusions, le fait qu'on veut vivre des vies plus faciles avec des pouvoirs, on regarde toujours dans 10 ans, puis dans 15 ans, puis dans 20 ans. Fait qu'on est accroché à des ballons, puis eux autres, ils nous les fournissent, les ballons de 20 ans. Dans 20 ans, tu vas faire ci. Puis dans 15 ans, tu vas faire ça. Puis dans tant de temps, tu vas être immortel. Puis là, t'es accroché à ça. Puis là, t'oublies complètement que tu travailles chez Eaton. Quand t'oublies que tu travailles chez Eaton, ton patron te crisse à la porte. Ça, c'est ton expérience. Puis quand t'as compris le message, à ce moment-là, tu renverses la vapeur, puis tu commences à t'intéresser à ton jardin, puis ton Eaton, puis toutes tes affaires ici, pour être bien dans ta peau. Parce que quand t'es sur le plan matériel, quand t'es sans tête, puis t'as pas de problème psychologique, tu peux être aussi heureux que tu peux être ces autres plans. Fait que l'histoire des autres plans, là, arrêtez d'y penser, les autres plans. Les autres plans, ils vont venir dans leur temps, puis ils vont jamais vous le dire quand, eux autres. Fait qu'en attendant, renflouez vos crises de bateau. Puis lâchez les autres plans. C'est ça le discernement. Puis là, je vous le dis, puis je vous l'ai déjà dit, puis je le répète, puis je l'explique, puis je le tortille, puis je le décortille. Mais je vous le dis, qu'il va venir un jour, parce que les vibrations rentrent tout le temps. Plus vous me rencontrez, plus les vibrations rentrent. Il va venir un jour où vous allez en avoir plein de casses des ballons. Quand vous allez en avoir plein de casses des ballons, c'est à ce moment-là que vous allez vous décortiquer, puis que vous allez rentrer dans votre vie matériel, parce que votre vie spirituelle puis votre vie interne, elle sera là anyway. Quand ta vie interne est développée, quand t'as pas de problème interne, tu t'occupes bien du matériel. Parce que c'est là qu'ils vont vous accrocher dans le matériel. S'ils n'ont plus rien à faire en dedans, ils vont vous accrocher à l'extérieur. C'est des cochons. Parce que c'est le même que ça marche, la vie. Jusqu'à temps que t'es assez smart, puis t'as assez de discernement, qu'ils peuvent pas t'accrocher ni en dedans, ni en dehors. Rendu à ce point-là, à ce moment-là, vous êtes prêt à aller n'importe où. Puis les illusions concernant l'évolution de l'homme, puis l'évolution de la spiritualité de l'homme, puis l'évolution de toute la patente, les illusions concernant le supramental, les gens en sont pleins. On en reçoit des centaines de téléphones. Là. Quand je vous dis qu'on est des yo-yo, on est des yo-yo. Vous le savez pas, vous autres, qu'on est des yo-yo, parce que vous êtes encore des yo-yo. Mais quand vous serez sortis du yo-yo, vous comprendrez qu'on est des yo-yo. Tout est vibratoire dans la vie. Il va venir un point où vous allez fonctionner un par vibration. Vous n'aurez même plus besoin de penser, vous serez capable. Puis quand t'es rendu que tu fonctionnes une par vibration, Charlie, t'es mieux à avoir du discernement, parce qu'ils vont te couper l'herbe en dessous du pied à tous les jours. À tous les coins de rue, dans toutes les situations, ils vont toutes prendre des situations pour entrer, puis rentrer, puis rentrer, puis rentrer, puis rentrer, puis rentrer, puis rentrer, puis rentrer, puis rentrer, puis rentrer, puis rentrer, jusqu'à temps que vous ayez un taux vibratoire assez haut que vous puissiez passer, changer directement le plan. C'est de même, l'histoire de l'art. Fait que c'est pas l'histoire que vous lisez dans les livres. L'histoire que vous lisez dans les livres, ça fait partie des ballons. Vous pensez, vous autres, qu'on fonctionne dans un médium relatif? On fonctionne pas dans un médium relatif, on fonctionne dans un médium absolu. Seulement les vibrations du médium absolu, vous les sentez pas encore assez fort. Fait automatiquement, vous retombez sur les fondations psychologiques du médium relatif. Ça, c'est fait, c'est construit de vos petites idées, là, vos idées philosophiques, spirituelles, vos idées humanitaires, vos idées en tant qu'hommes. Ils vont vous amener à un point où vous serez même plus des hommes. Puis quand vous serez plus des hommes, vous serez dans un autre temps. C'est pour ça que le discernement, c'est une protection. C'est pas eux autres qui vont vous enseigner le discernement, c'est moi qui vais vous l'enseigner, le discernement. Parce qu'eux autres font un job, puis moi j'en fais un autre. Eux autres descendent, puis moi j'essaie de vous faire monter. Mais ça vous pète la tête au plafond. C'est pas vous autres qui vont vous expliquer ça. Parce que pour que tu le saches, faut que tu l'aies vécu. Fait que moi, je l'ai vécu. C'est comme je le sais. Si je l'avais pas vécu, il me l'aurait pas dit. Je l'ai vécu, je l'ai souffert, puis je le connais. Puis je le comprends. Mais plus que vous, jamais vous pourriez vous imaginer que je le comprends. Quand je vous ai dit d'une conférence que je suis votre plus grand chum, c'est ça que je voulais dire. Fait que ouvrez vos oreilles. Si vous ouvrez vos oreilles, vous allez comprendre, éventuellement, parce que je vais vous faire comprendre, je vais vous parler, je vais vous accrocher dans les coins, je vais vous faire comprendre la petite partie de vous autres qui comprend pas. À ce moment-là, vous allez être bien. C'est pas eux autres, votre chum. C'est des chiens. Pourquoi je dis tout le temps que c'est des chiens? Pour vous faire comprendre que c'est des chiens. je sais pas, vous parlez des anges, vous parlez des anges, puis des archanges, puis des hiérarchies, puis des dominations, puis des seigneurs. Christ va y tomber encore dans des ballons. Comme je sais vous parler, je vous parle du monde. L'homme a besoin d'être protégé, l'homme a besoin de se protéger. C'est plein de monde sur la terre qui sont présentement en relation vibratoire et psychologique avec eux autres. Je te jure que ça bardasse. Ça bardasse. Il y en rentre des grandes bâtisses du monde. C'est plein. Il n'y en a pas un autre qui va rentrer une grande bâtisse. Garanti. Mais écoutez ce que j'ai à vous dire, ben. Parce que la grande bâtisse n'est pas loin de nous. Le discernement, c'est notre protection. Puis on l'a avec le temps. Puis on l'a quand on comprend sa nécessité, puis quand on a assez souffert pour voir rien que ça, le discernement. C'est ça la psychologie du supramental. La psychologie du supramental, c'est la compréhension des lois de l'esprit. Puis quand tu comprends les lois de l'esprit, Charlie, tu comprends tout. Parce qu'il y a que ça dans l'univers de l'esprit, à tous les niveaux. Matériel, spirituel, ballon, n'importe quoi. Vos sentiments spirituels, je m'en fous comme dans la 40 parce que je sais que c'est des ballons. Moi, vous les péter, les ballons, éventuellement. Ou il y en a qui vont vous les péter, les ballons. Ouais, ouais, vous pouvez rire. Vous, elle, le bon monde. Vous êtes chanceux de m'avoir, vous autres. Vous le savez pas. Je suis pas un cadeau. C'est ceux qui ont les têtes de cochon qui sont les plus susceptibles à pas se faire embarquer. C'est un outil, le discernement. C'est puissant, laissez-moi vous dire. On était embobinés. Embobiné à un point tel que vous en seriez écœuré si vous verriez avec mes yeux. Vous en seriez écœuré. Jusqu'à quel point on est embobiné. La minute que tu as une pensée dans la tête, t'es embobiné. Fait qu'imagine-toi comment est-ce qu'on est embobiné. C'est subtil l'embobinement. C'est subtil. L'esprit, c'est subtil. Puis on est fait d'esprit. Fait qu'on l'a, nous autres, la subtilité pour comprendre la subtilité de l'esprit. Il n'y a qu'une chose qui nous empêche de comprendre la subtilité de l'esprit, c'est nos maudites émotions. Nos sentiments. C'est ça qui nous empêche de comprendre la subtilité de l'esprit. C'est ça qu'on est fait, c'est ça qu'on souffre, c'est ça qu'on est tanné, c'est ça qu'on est écœuré. C'est ça qu'on veut une porte de sortie. Shangri-La, les ballons. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous pensez, c'est pour les poubelles. Tout! Tout! Vous allez voir un jour que c'est pour les poubelles. Tout ce que vous pensez, c'est lié à des sentiments quelconques. Tout ce qu'ils vous disent, c'est encore pire. C'est pour vous donner du courage, pour avancer plus loin. C'est pour ça qu'ils vous parlent. Qui vous disent tout à l'heure, dans 2 semaines, les extraterrestres vont descendre. Les extraterrestres vont venir te chercher. Les extraterrestres. Pensez-vous qu'on a besoin des extraterrestres? Quand je vous dis qu'on est des yo-yos, on prend tout pour du cash. On peut rien prendre pour du cash. Il n'y en a pas de cash. On est des canaux, on doit devenir un canal. On peut pas s'occuper de ce qu'ils nous disent dans notre tête. Quand t'es un canal, t'es un canal. La pompe, elle parle pas en haut, elle pense pas à la pompe. Elle conduit l'eau. T'as rien qu'à conduire l'eau. T'as pas besoin de penser si elle passe ou si elle passe pas l'eau. On est habitué à penser si elle passe ou si elle passe pas. Fait qu'on se crée, on a des tensions. Si elle passe vite, on est content. Si elle passe l'eau, on a des inquiétudes. Si elle passe rose, bon, on se sent spirituel. Si elle passe bleu, bon, on se sent encore plus spirituel. Si elle passe jaune, bon, on se pense mental. C'est pas l'eau qui passe dans le robinet, dans le tube, qui doit changer notre sensation de nous-mêmes. Vous avez des pensées négatives, vous avez des pensées croches, laissez-les faire, vos pensées croches. Quand ce sera sécurisé, vous n'envoyez parce que vous vous accrocherez plus dedans, vous n'en verrez plus. Mais tant que vous allez vous accrocher dans vos pensées croches, ils vont vous envoyer en enfant chienne des pensées croches. C'est leur job. C'est des spécialistes, là, de ça. Ils sont tous croches. Vous êtes des saints, vous autres. Tout le monde va être un saint. Des saints, c'est tous d'autres croches. C'est tous des niaiseux, les saints. Les saints et les martyrs, c'est tous des niaiseux. Faites brûler dans les bûchers, faites couper la tête, faites manger par les lions, vous trouvez que ça a du pioc, vous autres? S'il y avait eu du discernement, c'est quoi, ils auraient sacré leur camp bateau. Non, Chris, ils restent là. Ils voulaient être des saints. Qui c'est qui s'est servi de l'image, l'église? Les saints. On est des yo-yo. Il aura toujours été des yo-yo. Si vous êtes un saint, c'est votre job. C'est votre patente. Moi, je suis pas intéressé. Je suis un saint, oui. Mais à ma façon. Personne ne va me couper la tête. La perturbation de l'esprit humain, de l'esprit de l'homme aujourd'hui à la fin du 20e siècle, c'est effrayant ce qui se passe. Puis je parle pas du monde matérialiste, je parle dans le monde spirituel, puis dans le monde occulte, puis dans le monde ésotérique, parce que c'est le monde qui est plus près de nous autres. C'est effrayant. Des vrais soldats de bois. Quand ces gens-là auront à se faire, ils comprendront. On peut pas vivre sans discernement une fois qu'on est dans le supramental. Si t'es pas dans le supramental, tu peux vivre parce que tu peux toujours te caresser un peu des, tu peux toujours te donner une petite vie facile. Ta télévision, ta bière, ta femme, ta chasse, tes affaires, tu sais. Mais quand tu commences à rentrer dans le supramental, tu n'as besoin du discernement. Si tu n'as pas Charlie, check tes claques. Vous allez y goûter de l'heure. Tu sais, quand je vous disais après le séminaire, après moi, il n'y a plus grand chose, vous allez voir, tu sais ça. Comment vous vous cacheriez pendant deux mois, ça change rien, ça. Vous allez devoir revenir un pas. Quelque part dans le temps, vous allez devoir revenir. Parce que vous allez devenir écœuré des ballons. On a tendance naturellement à croire l'esprit. Parce qu'on est dans la matière. Parce qu'on ne voit pas ce qui se passe. Parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Naturellement, on a tendance à y croire, puis à prendre, puis à emmagasiner, puis à aller par là parce qu'ils nous disent d'aller par là quand c'est par là qu'on devrait aller. Ils sont pas caves. De temps en temps, ils disent va par là, puis c'est par là que tu devrais aller. T'as besoin d'accrocher, puis ils disent va par là, puis c'est par là que tu devrais aller. Fait que parce qu'ils t'ont dit deux fois d'aller par là que ça a marché, là tu penses que ça va marcher tout le temps. J'ai des petites nouvelles pour eux autres, ça fait partie d'un truc. Essayez pas d'être plus voyant que vous l'êtes. C'est pour vous rassurer, ça. Pour vous rassurer. C'est de la manipulation. Ils vous attirent eux autres. En vous attirant eux autres, ils descendent. Ils descendent. Ils descendent. Ils descendent. Ils vont venir un jour, vous allez être écœuré de la descente. Vous allez être rendu comme moi. Moi, j'ai plus rien savoir de ça. Ils sont là, Charlie, m'inquiète pas. Ils ont toujours été là. Ils sont assez proches de moi. Ça brûle. Je m'y mets une cuirasse. Et je l'ai construit moi-même, une cuirasse. Sans pas quoi les voir, j'ai oui. Ils sont contents. Parce qu'on voulait dire, oui, il y en a un qui comprend. La game. Ils sont contents. Quand t'as du cerveau, ils sont contents. C'est ça qu'ils veulent. Ils sont pas intéressés à ce qu'on parle de spiritualité. Ils peuvent pas opérer sans terre sans qu'on ait du discernement. C'est une des conditions fondamentales du contact avec la sixième race. Ils peuvent rien faire sans planète terre tant qu'il n'y a pas de discernement. Parce qu'ils vont donner du pouvoir à des hommes qui sont des ballons. Vous allez changer la civilisation, vous allez tout mettre à l'envers. Les pouvoirs, ils viennent quand vous avez du discernement. Ils vont venir, les pouvoirs. Inquiétez-vous pas, venez tout seul. Space est plutôt l'élévateur des airs. C'est pour ça que c'est si important, le discernement. Tout revient à ça. Quand vous avez du discernement, vous êtes rendu centré. Fait que vous devenez un chien comme moi. Un bon chien. Un chien en haut, chien en bas, il y a l'équilibre. Pas un toutou en bas, pas un chien en haut. Ça, tu peux pas en avoir beaucoup sur la terre qui vont comprendre. C'est impossible. C'est impossible. Il y en a bien qui vont baver mais avec les soucoupes. Ça, c'est une chose. Mais qui vont comprendre? C'est pas gros. C'est révoltant, la condition humaine. Je parle même pas de la condition humaine matérialiste. Je parle de la condition humaine spirituelle, occulte, ésotérique. Les gens, ils sont plus avancés. C'est révoltant. Fait qu'imaginez-vous comment est-ce que ça en va. Pensez-y même pas. Mais on peut pas réaliser jusqu'à quel point c'est révoltant tant qu'on voit pas clair. Puis quand on voit clair, à ce moment-là, on se révolte. Puis à ce moment-là, le discernement rentre. Puis il rentre, puis il rentre, puis il rentre. Puis ils vont s'asseyer. Puis ils vont s'asseyer. Puis éventuellement, vous finissez que vous avez une maudite volonté. Puis un homme qui n'a pas de volonté, c'est un homme qui n'est pas vivant. Un homme qui n'a pas de volonté, c'est un homme qui subit la vie. Il a subi la vie. C'est dur vivre de notre volonté. Parce que d'abord, on n'est pas sûr de nous-mêmes. On a peur de faire la mauvaise chose. Une action qui n'est pas correcte. On a des sentiments qui nous lient. Mais on s'aperçoit une fois qu'on l'a fait, le mouvement de la volonté, qu'on a les épaules libérées d'un poids. Et après ça, on continue. Puis on continue. Éventuellement, tu n'as plus de poids, ces épaules. Tes épaules légères. Puis tu te fous du monde entier. Du monde entier. Du monde entier. Quand je dis du monde entier, je veux dire tous les hommes qui constituent le monde entier. Ça veut pas dire que t'es révolutionnaire. Ça veut dire que t'es centré. Tu peux accoter n'importe qui en esprit. N'importe qui. T'es plus influençable. T'es au bout. T'es au bout du bout. Pas au bout du bout. Fait que vous avez des situations dans votre vie qui sont faites exactement pour vous amener à développer le discernement. Fait que vous avez la chance soit de passer à côté ou de foncer dedans. Vous allez foncer dedans quand vous allez avoir la force. Tant que vous n'avez pas la force, vous allez passer à côté. Vous allez passer à côté. Vous allez contourner le rocher dans la rivière. Un jour, vous allez faire sauter avec la dynamite. Et ça me dit que ça saute dans ce temps-là. Là, vous allez être bien. Parce que même si vous le contournez, si la rivière, il le contourne, l'obstacle est toujours là. Puis l'eau va frotter contre, puis elle va frotter contre, puis elle va frotter contre, puis elle va frotter contre. va faire des corps. Lui, elle devient nerveuse à un certain moment. Notre volonté, c'est notre support maximal. Le discernement, c'est notre puissance mentale en action. L'amour, occupez-vous pas de ça. Vous n'avez en masse de ça. Vous n'avez trop. C'est le dernier de vos problèmes, l'amour. Quand vous aurez le discernement, à ce moment-là, vous commencez à le gager, votre amour. Vous le gagerez, votre amour. Au lieu de donner à gauche par la droite comme des veaux. Vous pensez que c'est long, vous autres 10 ans, puis 15 ans, puis 20 ans, vous allez voir que c'est pas long. Parce que si vous êtes qui vous arrange tout de suite, vous trouverez cette affaire maudite. Vous êtes juste chanceux que ce soit 10 ans, puis 15 ans, puis 8 ans, puis 7 ans, puis 2 ans, avant d'avoir le discernement. Fait que pressez-vous pas. Le discernement, c'est un pouvoir dans l'homme. C'est tellement fort, Charlie, que quand tu as le discernement, tu peux plus être influencé par les forces négatives. Tu peux pas être influencé par les forces retardataires sur la planète Terre. Tu deviens un cerbère. Tu deviens un épuchard. C'est ce qui manque le plus à l'homme. La psychologie du supramental. La psychologie des forces. La psychologie des énergies qui nous pénètrent, puis qui nous pénètrent, puis qui nous pénètrent, puis qui nous pénètrent, puis qui active notre système nerveux. Parce qu'avec le temps, le feu électrique active le système nerveux, vous devenez de plus en plus nerveux en dedans, pas à l'extérieur, en dedans. Vous vibrez à tout. À la moindre chose, vous vibrez. La moindre émotion extérieure, vous vibrez. La moindre inconscience que vous allez voir autour de vous autres, vous allez vibrer. C'est à ce moment-là que vous allez vouloir avoir la paix et sacrer votre camp quelque part d'une montagne. Une petite cabane avec une corde de 8 pieds. C'est pas le temps. Quand ça sera le temps, ça sera facile. Les portes seront déjà ouvertes pour vous autres. On vit des vies qui sont totalement subalternes, totalement soumises aux influences planétaires de tous les jours. Tu vas voir un astrologue puis il va te dire la semaine prochaine ça va aller mal si tu loues ta maison. Mais quand t'es pas arrivé à pouvoir péter ça, cette vibration-là, t'as pas de voix loupée. C'est pour ça que ça marche l'astrologie. Comprends que ça marche l'astrologie, ça marche donc. Puis les gens embarquent dedans. Le biorhythme. Toutes les niaiseries qui font partie de l'inconscience de l'homme. Qu'on a monté sur des pédestals qu'on appelle des sciences. Il n'y en a pas de science sur la Terre. Il n'y a pas de maudite science sur la Terre. Donnez-moi en une, moi, tout de la démolir. Quand il y aura de la science sur la Terre, l'homme sera sur un autre plan. La science, ça vient de l'application des lois de l'esprit dans la matière, puis sur tous les plans. Pas l'application des principes, des hypothèses, des théories de l'intellect. S'il n'avait de la science en terre, il pourrait remonter son bateau au lieu de prendre des grues pour le remonter son bateau. Même le Titanic qui remontera en surface. Il n'y en a pas de science en terre. Il y a des formes de science. Mais en attendant, s'il veut commencer à se casser la tête à remonter le Titanic, il va tomber d'une autre forme. Ils vont l'accrocher avec ça. C'est ça le discernement. Il a accroché la belle avec un carburateur pendant 15 ans, il s'est fait accrocher. Il était obligé de se faire enlever l'estomac tant qu'il a souffert, le pauvre gars. Il l'a mis dans la poubelle quand on s'est rencontrés. Ce temps-là, il est bien fait d'argent. Il lui en parle. Quand vous allez me comprendre, vous autres, quand vous allez pouvoir Quand vous allez pouvoir me comprendre, puis m'absorber, puis m'absorber, puis m'absorber, puis m'absorber, puis m'absorber, sans qu'il n'y a pas d'intellect qui rentre dans le jeu, vous allez grouiller vite. Ça s'en vient. Des chums, ça ne rejoint pas. N'est qu'un chum. C'est moi. On a le droit de vivre des deux. Heureux comme on veut. Mais c'est tough. C'est pas facile. Puis ça, j'y peux rien. Ça, c'est votre expérience. Quand je dis, c'est votre expérience. Quand je dis, là, vous dites, c'est votre expérience au téléphone. C'est votre expérience. Quand même, vous seriez vert en face. C'est votre expérience. Dans le développement du discernement, il y a une fonction psychique de l'homme qui est essentielle, que l'homme doit pouvoir saisir, réaliser, c'est de toujours vous protéger. Tout le temps. Tout le temps vous protéger. Prenez jamais de chance. Ils vont vous accrocher si vous prenez une chance. Prenez-en pas de chance. Quitte à être paranoïaque. Protégez-vous. C'est pas eux autres qui vont vous protéger. C'est à vous autres de vous protéger. On a beau être bon, puis on a beau être spirituel, ça nous sert à rien! Je vous dis ça là, je vous ai pas dit ça avant, parce qu'avant, vous allez penser que je pense par là au bout. C'est pas ça que je veux dire. Ça nous sert à rien être bon puis spirituel. Être intelligent! Là, c'est un autre patate. Quand t'es intelligent, là, tu peux être bon, puis tu peux être ce que les gens appellent spirituel. Mais si t'es spirituel, puis t'es bon, puis t'es pas intelligent, t'es dans la merde. Parce que l'intelligence, ça fait partie de la spiritualité puis du bonheur. Et c'est plus haut, un petit peu. Regardez-vous pas, je suis bon, moi, ici. Ginette Renaud, elle souffre d'amour, elle est rendue grosse de même. Parce qu'elle souffre d'amour. C'est parce qu'elle souffre d'amour qu'elle est grosse de même. Si elle souffre pas d'amour, elle sera de même. Elle est accrochée à l'amour, elle vient pour l'amour, puis l'amour, puis l'amour. Ça, c'est son karma, c'est sa vie. Grande voix. Heureusement. L'amour, ça fait gonfler. L'amour émotionnel. L'amour mental, ça te rend comme un pic. Regardez les femmes, quand ils arrivent à 50, 50, 60 ans, sont bonnes, sont douces. Pleines d'amour, ils engraissent. Des gros seins, des gros bras, des grosses mains. On les aime, on se couche dedans, on se met comme des fœtus. C'est l'amour. C'est pour expliquer quelque chose. C'est au bout de l'amour émotionnel. C'est une vibration! C'est une substance plus basse pour se manifester au lieu de se servir d'une substance plus haute pour se manifester. Il La vie, on a tout à apprendre. Tout. Tout. Vibratoirement. Pas psychologiquement, vous n'avez rien à apprendre psychologiquement de la vie. Mais vibratoirement, vous allez apprendre de la vie. C'est vibratoire, la vie, c'est pas psychologique. C'est totalement vibratoire. Une fois que vous allez avoir la vibration, que vous allez commencer à sentir, d'ailleurs, c'est commencé un petit peu, là, c'est après. C'est quand tu n'as plein de cul, tu n'as plein de cul. C'est que c'est la vibration. C'est ça, la vie. Là, tu commences à être bien dans ta peau quand tu commences à sentir cette vibration-là, puis tu commences à en avoir plein de cul. Tant que vous n'avez pas plein de cul, vous ne savez pas qu'est-ce que ça vient, quoi. Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est. Quand le feu électrique commence à rentrer, là, pis ça passe dans la colonne, là, pis ça monte, pis ça descend, pis ça monte, pis ça descend. Là. Que vous venez dans cette affaire-là, ici. Là. Je te dis que vous la sentez, la vibration. Vous la checkez, la vie. Je m'en vais avec mon char, là, faut que je passe sur une roche. Il pouvait pas me faire passer à côté, le chien. Faut que je passe sur la roche, péter mon char en dessous. C'est des malades! Faudrait qu'elle se mette 2000 devant le char pour le voir. Fait que tu changes ta vibration, puis après ça, t'es 2000 devant le char pour le voir. Tu passes plus à la roche. C'est le même, la vie. Ça va loin, certainement. Parce qu'ils n'envoient pas la piste d'huile sur la route, eux autres. Ils envoient. Puis ils t'attendent au coin de la rue, Charlie. Puis ils te font changer tes vibrations, là. Tu prends le faux au derrière dans le char, là. Là, t'oublies toute la fuite. Tu l'oublies la fuite, là, puis tu passes dessus, puis tu rentres dans les murs. C'est le même, ça marche! Tout le temps! Mais quand on est inconscient, on ne le voit pas. On dit, tu étais malchanceux. Je suis sans dessin. On est sans dessin pendant des années de temps. Rendu à pas de 30 ans, t'es sans dessin. Tu te l'as assez dit souvent que t'es sans dessin. T'as assez cru que c'est toi qui te disais que t'étais sans dessin. Que tu y croyais. Mais quand c'est eux autres qui disent que t'es sans dessin, là, tu commences à te révolter tout à l'heure. Question. Vous avez pas... On n'a pas eu quoi? On n'a pas le temps, c'est protégé. Parce qu'on est passé vite. Quand t'as le discernement, tu te protèges. Tu l'as le temps. Tu viens vite. L'esprit devient vite. On se protège pas parce qu'on prend des chances. On s'ouvre aux vibrations. On se fait avoir. Quand tu parles d'eux autres en haut, ils sont des chiens, tu vas faire des lumières. Oui, des fois c'est le mien. C'est ça. Ça marche pas, ça, des chiens, des fois c'est le mien? Des chiens lumineux. Quand ça les dérange, eux autres, ça va appeler des chiens. Oui, ça peut te déranger, mais eux autres, ça ne dérange pas. C'est la différence. Quand ça dérange, on des appels de chien. Pour rien, je parle de même. C'est pour faire passer dans vous autres un petit peu de ma vibration. Parce que vous autres, vous n'êtes pas pour les appeler des chiens, vous êtes bien trop bons. Vous êtes des spiritueux. Pas spirituel, spiritueux. Vous venez de rire tout de croche, les appeler des chiens, vous autres seuls. Je vous donne un coup de pouce. Faut avoir se faire, les appeler des chiens. Des pètes, les formes. Tu peux pas travailler dans les formes avec eux autres. Tu peux pas commencer à parler des anges, des archanges, des ci, des ça. Des mamans, c'est des mamans. Oui, mais je... Ah, c'est tout ce qui est dans... Tout ce qui est des autres plans, c'est des chiens, moi. Tout ce qui vous casse les pieds, c'est des chiens. Quand vous saurez ça, ben, c'est des mamans, vous le saurez, puis c'est eux autres, vous le saurez. C'est des chiens pareils. C'est ni gênant, ni de bord de l'autre. Quand tu te fais casser les pieds, tu te fais casser les pieds. Même si ça vient d'un ego, ça vient des forces spirituelles, ou des forces de lumière, même chose. L'homme doit être autonome. On a le droit d'être autonome, on doit être autonome. Tant qu'on ne sera pas autonome, ça peut être, on n'aura pas la, on n'aura pas la conscience. Il faut qu'on l'apprenne. Le jeu entre la terre et l'invisible. Il n'y a personne qui sait le jeu sur la terre. Ceux qui le savent, ceux qui sentent le plus l'esprit, sont ceux qui nous créent les plus grandes formes de l'esprit. Les maîtres, ça n'est ça. Les maîtres sont essentiels pour l'humanité, mais ne sont pas essentiels pour tout le monde. Il y a des gens qui se retranchent de l'humanité. Moi, j'en suis un. Je ne suis pas intéressé à des maîtres. S'ils veulent continuer leur job, ils sont venus pour moi. On mélange tout. Les maîtres font leur job, moi je fais la mienne. Les maîtres, c'est pour les masses. Moi, je suis pour les individus dans les masses. Pas intéressé aux masses. Comment que ça sera des spirituels au bout? Pas intéressé. Parce que je sais que c'est pas là l'affaire. Après la sagesse, c'est le discernement. Les maîtres donnent la sagesse. Moi, je donne le discernement. J'en connais pas encore sans terre qui connaissent la loi du dissonant. J'en connais très. Dans la région. On veut éduquer ensemble. Il vient dessus les dessus, là. Tu peux pas mettre deux piquets à la même trou. C'est pas que des gars comme moi, il n'y en a qu'un fois. On veut une deux. Ça marche pour tous les hommes, pas pour des segments de la civilisation ou des secteurs de la civilisation ou des qualités de temps par l'autre personnalité. Ça va pour tout le monde, de discernement. La sagesse, ça dépend. La sagesse bouddhiste, la sagesse orientale, la sagesse chrétienne, la sagesse musulmane, la sagesse des toutous en sud. C'est de la sagesse, il y en a toutes les formes. C'est comme des tartes. Mais le discernement, ça, c'est un principe universel, puis c'est lié à l'intelligence, puis il n'y en a qu'une sorte de discernement. C'est la destruction des formes. C'est bon pour tout le monde. Les Japonais comme les Américains, discernement. Que tu manges des légumes ou que tu n'en manges pas, ça ne change rien. On est des oiseaux de proie. Puis la proie, c'est nous autres. On est des proies. Quand vous êtes fatigué, vous faire arracher les ailes. Maintenant, ça veut dire que dans notre vie de tous les jours, là, à la minute, disons, à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose de négatif, là, qui nous fait mal, quoi, du mental, physique, s'il n'y a rien, là, c'est ça que ça veut dire. L'affaire de rien, là, c'est pour vous apprendre sur le plan de votre émotionnel à ne pas vous prendre au sérieux. Ça, c'est une étape. Puis après ça, tout est là. Au début, il n'y a rien là. Je vous dis rien là, arrêtez de vous prendre au sérieux. Parce que vous ne souffrez pas encore. Quand tu es au niveau de rien là, tu ne souffres pas encore. C'est pour vous faire réaliser que ce que vous prenez au sérieux au niveau des formes, ça fait partie de votre culture, ça fait partie de votre subjectivité, ça fait partie de votre ego, etc. Enfin, je dis rien là. C'est en relation avec les événements parallèles, les événements horizontaux de la vie, ça. Mais quand vous êtes rendu aux événements verticaux de la vie, entre eux autres puis vous autres, là, il y a quelque chose, là. Ça, c'est la prochaine étape, après. Ça, c'est le discernement. Il n'y a rien là si vous mettez au nœud. C'est le nœud, ça. Mais quand tu es rendu, que tu as appris comment te mettre au nœud, là, tu te mets en grande. Là, il y a quelque chose là, Charles. Là, tu l'as le discernement. Tu te mets en grande. Tu traces ta vie. Comme tu veux. Tu bois ton lait comme ça te plaît. Ça sert, la l'advertising. Quand tu le comprends. Je ne te fais pas descendre dans le gros coton. C'est ça que ça veut dire. Il faut que vous appreniez à vous mettre au neutre d'abord, pour vous prendre au sérieux, là. Toutes vos niaiseries qui vous arrivent. Là. Puis après ça, quand vous êtes capable de vous mettre au neutre, là, vous passez à l'autre étape. Vous mettez en grand. Ça, c'est le discernement. C'est un pouvoir, le discernement. Se mettre au neutre, c'est une attitude positive, créative. Ça devient un état quand t'es bien mental. Quand t'es bien mental, là, ça devient un état. Au début, c'est une attitude positive, créative, que tu contrôles pas encore totalement. Tu peux te mettre au neutre un petit peu, tant que la soupe n'est pas trop chaude. Il s'agit de s'en changer simplement les paramètres, chose. La soupe peut devenir bien chose. Tu fais ton chum, tout d'un coup, tu sais. Ton mari, tout d'un coup. Ton petit gars, tout d'un coup. Les gros chocs, les grosses choses. Quand tu peux te mettre au neutre là-dedans, là, t'es prêt à passer après ça au discernement. Le neutre, vous venez parler. Depuis longtemps. Là, c'est le discernement. Il faut que j'avance. Ça donne le pouvoir, c'est façon de penser par lui. Hein? Si c'est ça donne le pouvoir, c'est une bonne question. Bonne question. Il y a deux façons de vivre quelque chose. Il y a une façon qui est réelle, puis une façon qui n'est pas réelle. La façon qui est réelle, pour qu'elle vous soit expliquée, il faut qu'elle vienne du réel. Il faut qu'elle ait été vécue d'une façon réelle. Il faut qu'elle ait été sentie dans toute sa dimensionnalité, pour qu'on ait l'expérience. Sans ça, ça serait de la philosophie. Ça serait du bourrage de crâne. Ce serait de la philosophie positive. Ah, la division entre la philosophie positive ou la philosophie de la vie, puis la science de la psychologie du supramental est très mince. Il y a deux façons qu'on peut vivre notre vie. On peut vivre en dépensant énormément d'énergie, ou on peut vivre en dépensant le minimum d'énergie. Si vous en arrivez à dépenser le minimum d'énergie. Parce que si je vous disais pas, si je vous parlais pas, vous arriveriez éventuellement. Mais ça serait long en maudit. Parce que pour le savoir, pour le dire, ce que je vous dis, il faut le savoir. Il faut le savoir, pour le savoir, il faut l'avoir vécu. Fait que ça vous empêche de passer 10 ans dans la forêt, au lieu d'en passer 2. Quand tu peux comprendre dans 2 ans au lieu de 10 ans, parce que quelqu'un a détruit avant toi des forts, a coupé des arbres, à ce moment-là, tu passes plus vite. C'est le but. Ça répond à votre question. Effectivement, il faut que vous la viviez, votre expérience. C'est normal. mais vous allez la vivre plus vite. Moins de souffrance pour rien. Ben, nous autres, on les a vécues, les souffrances au bout. Fait que vous autres, vous bénéficiez de notre expérience. Ça va. Je trouve ça le fun ce que tu viens de dire parce que je pense que ça ne change rien dans notre vécu réel individuellement. Mais y a-t-il une forme de mot qui pourrait vous dire espoir là-dedans dans ce que tu dis? Moi, il me semble que ça me fait sortir plus vite ou avoir moins peur. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Ça vous donne un point de vue absolu. On a besoin d'un point de vue absolu. Vous n'êtes pas fusionné, enfin, vous n'êtes pas point de vue absolu. Si vous étiez fusionné, vous aviez un point de vue absolu. Mais comme vous n'êtes pas fusionné, vous n'avez pas de point de vue absolu. Fait qu'on vous donne un point de vue absolu pour que vous autres, vous puissiez prendre votre point de vue relatif puis le développer le plus vite possible. Ce que vous pouvez faire d'évolution en dedans d'un an pour vous autres, avec nous autres, ça vous prendrait des vies de faire ça. Effectivement, j'étais un chien. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a un chien en haut, puis un chien ici. Mais il y a un équilibre entre les deux chiens. C'est parce que tu l'as digéré un peu? Ben, je l'ai digéré. J'ai la résistance. Je suis capable de les prendre, vous autres. Puis ça. Puis ça, il faut qu'on vienne te rencontrer personnellement. Non, non, non. Mais j'ai dit quand vous venez, quand on se voit, on parle. Quand on parle d'une vibration, il y a un changement vibratoire qui se fait quand on parle. Que vous veniez pas, ça rend rien. Mais si vous venez, il y a un changement vibratoire. Parce que quand je parle, je parle. Je dis quelque chose, il y a une vibration qui passe quand je parle. Puis la vibration qui passe fait partie du fait que il y a un équilibre entre le haut et le bas. Je l'ai vécu, l'équilibre. Je suis dans l'équilibre. Ils peuvent pas me faire faire le tour du coin, eux autres. Je l'ai fait le tour du coin. C'est dans ce sens-là que je dis. Vous bénéficiez de mon expérience à moi, au niveau vibratoire. Appliquer sa volonté. D'abord, vous n'avez pas de volonté. La volonté que vous savez, c'est une petite volonté, c'est liée à votre corps de désir. La volonté qui est la descente de l'énergie d'en haut vers le bas, vous l'avez au fur et à mesure que vous avez appris à vous rebeller contre eux autres. On a dit, dans votre souffrance, quand tu n'as plein de casse, elle descend l'énergie parce que tu prends une décision. Une autre situation se produit, tu n'as plein de casse, tu descends l'énergie. J'appelle ça mettre l'âge dedans. Fait qu'éventuellement, des décisions, t'en prends, puis c'est là que tu traces ton chemin. Fait que là, la volonté, elle descend, puis elle descend, puis elle descend. Alors, plus vous êtes en dehors de la forme, plus vous êtes en dehors des illusions de la forme, des sentiments qui vous lient, qui vous empêchent de vivre votre vie autonome, vous n'êtes pas capable d'appliquer la volonté. Vous souffrez, vous commencez à le réaliser, là, ça. Fait que la volonté se développe avec le temps. Plus ça va, plus vous avez de la volonté. Plus ça va, plus vous avez du discernement, ça va ensemble. Il faut que vous ayez du discernement pour appliquer la volonté. Si vous n'avez pas de discernement, vous ne pouvez pas appliquer la volonté. Il faut voir quelque chose. Il faut voir quelque chose pour appliquer la volonté. Tant que tu ne le vois pas, même si c'est bien prêt à te tuer, tu ne peux pas l'appliquer la volonté. Les formes vont te retenir. Mais quand tu le vois, là, puis tu commences à être sûr que c'est ça, là tu as descendu la volonté. Là, il y a un changement vibratoire qui se fait. Il y a un changement. C'est moins lourd, si vous pas. Là, tu avances. T'avances. C'est pas obligé d'être souffrant tout le temps. Ma pauvre petite fille, je suis pas pour te dormir à la pilule. Mais non, mais la souffrance. Je trouve pas nécessairement ça souffrant. La souffrance est toujours proportionnelle à notre propre vie. La souffrance est toujours proportionnelle à notre vie. Tu sais, un gars qui veut courir les Olympiques, s'il veut être top, il faut qu'il souffre. s'il va être top, il est obligé de souffrir. Ouais, la colère, c'est pas ça. Non, doit pas brûler. Ça veut dire que, occupe-toi-en pas de ton mal dans la colonne. Tu prends les pas comme une souffrance qui peut t'aider ou que tu peux penser comme étant élevant. Non, non, non, t'as pas le mal de la mort. C'est bon. Mais quand tu le monde, parce que tu pas le mal. C'est la souffrance. C'est ça. Je peux t'exiger de plus l'avoir, je pense. À moi-même, personnellement. Tout est vibratoire. Tout est vibratoire. Tout est vibratoire. C'est une vision de commander à qui nous rendons la vie, à qui nous réveille, de payer nos impôts. Ah non, c'est pas une vision, parce qu'ils peuvent le faire. Ils l'ont fait. Ils peuvent le faire. Si tu as réveillé à 4h30 du matin, tu te fais parler d'impôts, hein, là, il y a du monde. Quand je parle, les gens ne comprennent pas ça, que c'est que je dis, ils font des illusions. Les illusions. C'est réel, les illusions. Mais dans une illusion, il y a toujours une loi. Puis cette loi-là, c'est la loi de l'expérience. Alors, je vous dis, moi, quand ils vous disent quelque chose, ils peuvent bien dire qu'ils vont me faire gagner l'Auto-Québec la semaine prochaine. Mais l'ont dit. Okay. Mais ils ne croient plus. Mais... OK. J'ai fait l'expérience. Ah, c'est ça. Mais tu es obligé de passer par l'expérience. Ouais, j'ai passé par là. C'est ça. C'est exactement ce que je veux dire. Dans le fond, on demande si tu suis pas à pas nous autres-mêmes à l'intérieur de nous-mêmes. Selon notre instinct, ancré. Selon ce qu'on sent qui est le meilleur pour nous autres, tout le temps. Okay. Pas pour eux autres, non. C'est des chiens. Comment ça compare? Moi, je me sers de mots pour faire passer une vibration. Je me sers toujours de mots. Je peux pas vous parler en me servant de forme spirituelle. Je pourrais le faire. Mais vous êtes assez spirituel. Fait que je me sers d'autres formes pour faire passer même de l'énergie et non des concepts et non des idées et non des sentiments. Parce que je sais, moi, que c'est en dehors de ça qu'on se réalise. Il y a des gens qui ont un peu plus sensible que d'autres, ça les frustre quand je parle. Il faut qu'on arrive à me voir objectivement. Un autre jour, je parlerai en termes spirituels. Et quand je suis dans le travail, je parle comme ça, parce que c'est le même, il faut que je fasse. Ils me disent, c'est essentiel. C'est pour faire comprendre l'illusion des formes. Parce que vous avez des formes, vous avez des sentiments spirituels, vous avez des émotions spirituelles, vous avez des sentiments, vous êtes humain, normal. Ah, ce sont ces sentiments-là qui vous empêchent de décrocher et de pénétrer dans le supramental. Tout ce qui est supramental, ça dit supramental, supramental, c'est supra-humain, supramental. Pour rentrer dans cette dimension de conscience-là, de connaissance-là, de compréhension-là, les formes qui font de nous des êtres humains doivent être détruites. On doit en comprendre les illusions. Surtout, tout ce qui est rattaché aux sentiments humains qui nous retarde dans notre évolution. Parce que l'homme supramental s'en va de plus en plus vers l'autonomie. Je parle d'autonomie individuelle. La relation entre l'homme et le supramental, c'est une relation absolue, c'est pas une relation relative, c'est absolu. C'est eux autres en vous, c'est un. Un. Fait qu'ils vous amènent de deux à un. 2 à 2. Éventuellement, c'est 1. Quand vous avez 1, là, vous avez discernement de la volonté, de l'intelligence, de l'amour, vous avez tout le 7. 1. Et 17. Si c'est restant là, vous êtes 2. Il y a vous, puis il y a eux autres. Il y a vous en tant qu'homme, puis il y a les êtres spirituels en vous. Mais les êtres spirituels en vous qui communiquent avec vous en tant qu'homme, ça fait toujours une forme pour vous spiritualiser, pour vous sensibiliser, pour vous sensibiliser, pour vous sensibiliser, pour vous sensibiliser. Les énergies descendent. Et au fur et à mesure que les énergies descendent, les souffrances grandissent parce que votre sensibilité devient plus grande. Puis à un certain moment, vous n'avez plein de casse de souffrance. C'est là que ça commence à descendre de même. Et à ce moment-là, votre intelligence, puis leur intelligence, ça devient un. Votre volonté, leur volonté, ça devient un. Leur amour, ça devient un. Ça devient un. Tu peux me lentille avec un... Tu serais ajusté, là, au focus? À s'ajuste. Ouais. À s'ajuste avec le temps. À s'ajuste graduellement. Ça me fait penser à une mère qui profitait de la crise de son bébé, qui a gueule ouverte et fourré de l'éducateur dans la poêle. Exactement ça. C'est exactement ça. Il faut vider ta tête pour passer à la gueule. Ça le fait chier aussi. Ah. C'est ça. Exactement. Exactement. Mandy va te le dire. Je suis content. Mandy va te l'expliquer. C'est exactement ça. Exactement ça. Je viens de l'expliquer. Faut que je le demande. C'est ça. C'est exactement ça. Moi, je veux pas y aller demander. Je te blâme pas. Hein? C'est pas fait double. Alors, je vais. C'est ça. C'est ça. Quand tu t'écoutes, tu trouves bon, c'est bon. C'est un début. T'es pas parfait encore, mais t'es bon. Ça va. Il y en a un qui m'accroche, là. Tantôt, quand tu disais, il faut absolument avoir le discernement. C'est essentiel. Oui, je le sais. Sauf que ce que je comprends avec ça, c'est quand le discernement, c'est pas un cadeau d'infini. C'est un outil, le discernement. C'est notre cadeau. C'est un cadeau, le discernement. C'est un cadeau. Si tu comprends pas que le discernement, c'est un cadeau, c'est parce que tu l'as pas encore. C'est que quand je suis avec une personne, tu sais, moi, je dis aux gens, mettez-vous des psychologues, parce qu'il faut l'amener dans vos affaires. Parce que les psychologues, ils jouent des enfants aussi, hein. Qui jouent avec des gens qui les expliquent. Ils savent pas. Tu sais? Bon. Fait que, bon, j'essaie bien d'être respectueuse de l'idée des gens, de la vie des gens, puis du plan d'évolution des gens. En voici que j'ai une madame, moi je sais-tu si dans son plan d'évolution, s'il faut qu'elle passe par le test psychiatrique ou pas. Moi, là, je travaille comme un bœuf par rapport aux entrevues, là, tu sais, pour essayer de voir quelque chose de bien. Puis vraiment, il n'y a rien à sortir de là. Franchement, il n'y a rien. Ok. J'ai la réponse parce que c'est être lié à sa mère. Hein. Ça, c'est, il sert des liens, tu sais, les contours médicaux émotionnels, là. Il sert des liens émotionnels. Puis au fond, le test psychiatrique, pour qu'elle aille, pas à cause de test psychiatrique, mais c'est parce que c'est rien que ça qui va séparer sa mère. Avant ça, tu l'as dit, on va être parce qu'elle va séparer sa mère, pas à cause de test psychiatrique. Non, ben, j'aime bien. Hein. Deuxième tableau. Le deuxième tableau, il est simpliste à un tel point que si t'as pas, c'est dur. Quand t'es en conversation avec des entités négatives, tu représentes toujours sur le plan matériel le prince de la lumière. Tu peux-tu comprendre ça? Oui, parce que chez nous, c'est... Tout le temps. Tu représentes toujours le prince de la lumière sur le plan matériel. Comment t'arrêtes deux yeux croches? T'es toujours le plus fort. Ça veut dire deux choses. Doute-toi jamais. Puis questionne-toi jamais. Parce qu'il y en a qui ont des langues sales. Ils vont te répondre, Charlie, toujours pour te faire vibrer, pour casser ton emprise sur eux autres, parce que t'as une emprise sur eux autres. Puis comment est-ce qu'ils peuvent casser ton emprise sur eux autres? C'est par ton émotionnel. Puis ils savent bien les affaires. Il y en a un des séminaires qui m'a traité de crise de baptiseur. Tout bon. Bon, t'as pas fini. Je suis la princesse des ténèbres. Bon, c'est ça. Bon, c'est ça. Fait que ça... Ça teste ta résistance émotionnelle. Ça teste. Ça teste. Ça teste. Le 3, ça c'est bien important. Vous êtes toujours des princes de lien sur le plan matériel. Puis, troisièmement, quand vous êtes en convocation avec eux autres, en relation vibratoire avec eux autres, réalisez toujours qu'ils sont extrêmement sans intelligence. Ils sont extrêmement sans intelligence. Ça veut dire qu'ils sont extrêmement en dehors de lui. C'est eux qui sont là. M'ont dit une fois les toilettes, ça me dit, traite les ténèbres comme un chien qui t'aime, qui est bien achalé. Ah, c'est ça. C'est parfait. Quand tu l'aimes, tu n'as pas peur. C'est ça. Tu traites comme un chien vrai. Mais tu ne laisses pas manger la troisième. C'est ça. Exactement. Exactement. C'est ça. Parce que ce qui arrive ensuite, une fois que... ensuite, tu peux aider à leur évolution, ces entités-là. Suivant ta vibration, ta perception, au niveau, suivant ton intelligence créative, tu peux leur dire exactement quoi faire pour sortir un peu, pour avancer leur temps. Ça, ça fait partie de ton pouvoir interne. Fait que quand vous n'êtes pas habitué à votre pouvoir interne, des fois, vous allez dire des choses et ça va vous surprendre. Quand vous dites quelque chose, là, ça vous surprend. Là, parce que vous parlez comme avec autorité. Là, l'ego, il n'est pas habitué à ça. Ça le surprend. Ça fait partie de votre pouvoir interne. Plus vous vous habituez à votre pouvoir interne, plus vous êtes capable de manifester ce pouvoir interne-là. De ça qu'éventuellement... Plus tu en prends conscience, vraiment. Pardon? Plus tu en prends conscience. Je t'en prends conscience. Veux-tu te donner un exemple de ça? Ça va se plaisir à mon ego, pour ça. J'étais en cours pour une expertise de. J'étais une expertise de garde d'enfants en cours. Puis il y avait, moi j'ai m'aidé dans la psychologie, puis il y avait parce que je l'ai donné aussi comme exemple, les gens comprennent bien avec ça. Il y avait un autre expert qui avait une contre-expertise. T'sais. Alors l'autre avocat en contre-interrogatoire me demande ceci. Comment pouvez-vous, madame, moi je vais avoir les témoins, comment pouvez-vous, madame, faire une expertise en 3 heures? Vous attendez-vous qu'elle vous m'aider? Alors que mon expert, le docteur en psychologie, a plus de 15 heures à faire son expertise. Moi, je suis assez surpris. Je savais qu'on devait en juge. Mais c'est ça la compétence, mon cher. Oh, bon. Tu mérites un petit billet. Je me sentais comme en arrière d'une chute d'eau. Ouais. Tu sais, je le sais. C'est ça. Vous avez compris? C'est ça. Je vais te dire une chose. Quand ça descend le supramental, là, ça crée un choc. Ça crée un choc. Puis nous autres, on n'est pas habitués. Fait qu'on se pose des questions. En tout cas, l'avocat, là, il s'est assis. Il n'y a plus rien dit. Évidemment. Ça se discute pas, ça. C'est pourquoi ça se discute pas, puis rappelle-toi-en, parce que c'est absolu. Bon, on va vous en parler de ça, parce que c'est bien important. Ouais. On peut toujours être comme ça. Oui. Ben oui, ça. On doit être comme ça. C'est comme ça que vous autres, moi et toi, ça marche. On doit être comme ça. Puis la raison qu'on n'est pas comme ça, c'est parce qu'on a des maudites émotions. Fait qu'aussitôt que ça passe, l'affaire, on la laisse pas passer. Notre émotion nous bloque en voulant dire, je peux pas parler de même, qu'est-ce que je me prends? C'est là que vous empêchez la vibration de descendre. C'est exactement ça. Moi, quand je dis que je suis un chien, c'est justement parce que je fonctionne de même tout le temps. Fait que si les gens me prennent objectivement, mais je suis pas un chien, je suis un chien qu'on aime. Tu comprends? Mais si les gens me prennent pas objectivement, c'est évident, je suis un chien. C'est exactement ça, papa. Parce que ça vient pas de ton ego, ça. Ton ego l'aura pas laissé passer, ça. Ben, il y aurait chéqué avant, ça te connaît. Il y aurait chéqué avant. J'y avais pensé, c'est ça la peur. La peur, ça, j'appelle c'est ça. La peur, c'est parce qu'on pense. C'est ça. La peur, c'est parce qu'on pense. Si j'y avais pensé, j'avais une belle peur. Exactement. Le gars, il peut pas rien dire devant ça parce que c'est absolu, parce que ça vient des autres. Que ça soit considéré comme relatif sur son problème, mais lui, il pas au tien. Jamais le tien. Quand tu fonctionnes d'une façon absolue, tu fonctionnes d'une façon absolue. Il n'y a aucun critère psychologique pour déloger la valeur psychologique de ce que tu dis. C'est ça, l'absolu. Mais si ton ego vibre, puis t'as de l'émotion, mais ça passera pas. Là, tu vas bafouiller, là, puis là, il va revenir à la terre, puis il va te démolir, Charlie. Il doit jamais y avoir de feuille quand vous parlez. Ça doit être comme un couteau. Puis moins vous avez d'émotions, plus c'est devenu un couteau. Toi, là, t'es pas un cadeau comme personnalité. Pourquoi t'es pas un cadeau comme personnalité? Parce que t'as assez de force interne, tu t'ajustes émotivement. Mais plus tu deviens mental, moins tu deviens cadeau comme personnalité. Mais ça, c'est le problème des autres, pas le tien. Puis la culpabilité, c'est ça. Moi, je peux t'apprécier comme personnalité parce que je joue au-delà de ta personnalité. Mais le monde, faut pas que tu t'imagines que le monde va t'apprécier à part de ceux qui te connaissent. T'arrives pas à un avocat pour lui dire l'enfer même. Tu fais apprécier. Puis tant que tu veux te faire apprécier, t'es fini. Sais-tu qu'est-ce qu'il vouloir se faire apprécier? C'est de la sympathie qu'on veut, qu'on se donne, que d'autres nous donnent à soi-même, parce qu'on n'est pas sûr de soi-même. Travail, là, j'en ai beaucoup des cas dans cette femme, mais moi, je ne sais pas en tant que psychologue. Tu peux pas penser à ça. Être absolu, c'est être. Quand tu es, tu es absolu. Être absolu, c'est être. Quand tu es, tu es absolu automatiquement. Ça marche tout seul. L'agir, c'est de rendre l'être dans le temps de la vie. Agir, c'est de manifester l'être dans le temps matériel. C'est important d'être absolu. Ça se dit pas, ça se dit entre nous autres. Ça se dit pas dans une convention d'hommes qui pensent ou qui sont pas conscientisés. Parce que les gens pensent puis ils jugent ce que tu veux. C'est pas ça que tu veux dire. Être absolu, ça veut dire l'énergie part. Tu fonctionnes comme un canal. OK. Quand tu as maîtrisé pas mal ça, tu sens bien, puis t'apprécies d'être bonne. C'est ça. Sauf que, il arrive que tu écoutes ce petit enfant. Ouais, ben c'est parce qu'à ce moment-là, tu travailles pour rien. Ouais. Mais moi, il y a des gens qui me disent ça, mais je sais pas comment faire. Bon. Si tu travailles pour rien, si tu te vides, tu perds de l'énergie. Éventuellement. Tu te fatigues. Puis éventuellement, t'en as plein de casse. Puis éventuellement, faut que tu changes de vapeur. Parce que pour être bien dans ta peau, faut que tu fonctionnes. Alors, t'as besoin d'argent pour fonctionner. Sans ça, c'est du bénévolat. Puis du bénévolat, c'est une forme de spiritualité. Ouais, mais moi, je suis bien capable de discerner le bénévolat. Ça me semble bien le bénévolat. Je sais que c'est pas le bénévolat. Je ne veux pas en faire. Mais ça va quand même plus loin, est-ce que ça? Parce que quand tu commences à t'éclairer, au plan d'argent, curieusement, le lendemain, tu tiens trois tours dans les rendez-vous. Il marche avec ça aussi. Quand tu discernes les esprits de la bande comme ça, tu n'as peut-être plus là-dedans. Ils s'en vont sur le plan matériel. C'est ça, exactement. Puis ça, le doute de gagner ta vie, c'est pas en vie, tu sais. Parce que tu te dis, ben là, le savoir-faire, il vient pas se mêler de tes affaires d'argent, tu sais. Tu commences par faire croire, puis ça se peut pas. C'est le monde qui a gagné ta vie, c'est le monde qui a gagné l'argent, l'argent, c'est ordinaire, tu sais. C'est bien ordinaire. Fort. Ça n'a jamais expliqué, été expliqué les forts. Personne n'a jamais expliqué les forts. Ils nous en ont donné des forts, des belles, des grandes, des sacrés, tout cela. Mais personne n'a jamais ma hache dedans. Là, je la ma hache dedans. Moi, j'ai fait venir deux personnes d'un séminaire. Pour rien. Ils ne sont pas restés à la fin du séminaire. Sa gueule, ça. Il y en a un qui est parti vendredi soir, puis l'autre est parti samedi. Parce qu'ils n'ont pas la forme, parce que les gens sont dans les formes, mais ils n'ont pas la forme assez forte pour les tenir. Quand tu as payé 100$ C'est de l'argent à 100 piastres. Pour une fin de semaine, pour te faire engueuler par un gars croche comme moi, tu viens d'avoir ton argent. Là, il reste carré. Mais les deux sont partis. C'est ça qu'ils me l'ont fait faire. Puis jamais j'en accepte une autre personne qui payera pas des séminaires. Quand même, qui sera vieux, qui sera vert. Je dirais, payera 5 piastres par, 5, 5 cents par semaine. D'ailleurs, c'est ce que je lui dis. Mais envoyez-les les 5 cents. Comment ça prendrait 10 ans? Faut que je peux attendre longtemps. Mais envoyez-les les 5 cents par semaine. Vous voulez que ça tombe sur ces deux-là. Ils sont chiens en haut. Tu sais, quand tu veux te faire comprendre quelque chose. Et quand j'ai commencé les séminaires, j'ai dit, comment est-ce que je charge tout ça? Il dit, 50 piastres pour nous autres, 50 piastres pour toi. Ils m'ont répondu, oui. Parce que vous autres, vous payez 10 piastres. Mais moi, j'ai l'attention que vous autres, vous payez 10 piastres. Moi, je suis toujours un mur, je suis un radar. Fait que dans votre 10 piastres, j'ai la souffrance de votre 10 piastres. Parce que vous autres... tu vas commencer à l'avoir. Je n'aime pas ça, entre ça, puis la relation émotionnelle avec la poule. Tu connais pas de raison d'être pauvre. Il faut qu'on fonctionne. Mais oui, je le dis aux autres. Je pourrais charger 500 piastres d'un séminaire, les gens viendraient, je ferais ma vibration. Je pourrais charger 1000 piastres d'un séminaire, les gens viendraient. C'est vibratoire. Oui, ça, c'est à toi, ben oui, je t'explique, le principe est le même. Toi ici, t'es vibratoire, puis plus tu vas, plus tu vas être vibratoire. Mais quand tu es... Hein? C'est dans un stadium au Texas avec des gars qui viennent des Indes qui se promènent en 747. Ça, c'est spirituel. Toute la machinerie, tout le gros marketing, toute la grosse patente, là. Toute la grosse forme orientale imposée sur le monde occidental. Tout, c'est tout. Ben, au moins, Billy Graham, c'est évangéliste. C'est psychologique. C'est de la psychologie spirituelle. Tandis que ceux qui nous viennent des Indes, des grosses formes, le gros gars qui se promène avec ses guns, puis qui envoie de l'amour dans le stadium à 50 000 personnes, c'est de l'amour avec l'autre. C'est le même, c'est fait. C'est fait. Il y a deux guns en plastique, là, il y a à peu près 17-18 ans, là, un gros joufflu, là, puis il envoie de l'amour à l'eau de rose. Puis tout le monde tombe dans les pommes. J'ai pu ta réaction, je la comprends. Je la comprends. Parce que je vais dire une chose. Moi, je sais que l'homme, en tout cas dans mon état, l'homme n'a pas besoin de travailler. L'homme ne devra jamais travailler. L'homme devra créer. Mais travailler, jamais. Se nourrir, payer son logement, payer ci, payer ça. C'est des conditions de la civilisation. Mais toi aussi, il faut que tu manges. Ah, ils vont te le faire comprendre. 17 à 8 mois. Ça peut être une semaine. Ça va être une semaine. Ça va être une que je peux des racontes avant l'image. Les formes. Oh. Le mot forme, c'est toute l'affaire. C'est toute l'affaire. Puis on peut pas comprendre forme, discernement, volonté du point de vue philosophique. Parce que la philosophie, ça fait partie de l'ego de la philosophie. C'est un jeu pour l'esprit de l'homme, la philosophie. Il se maintient, il se berce là-dedans. Il se meuble l'esprit. Il s'enorgueillise. La vie, c'est pas de la philosophie. Puis l'intelligence, ça appartient pas à l'homme. ça passe dans la nuit. Tant qu'on comprend pas, tant qu'on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. Ça passe dans la nuit, les gens, sauf que les gouttes prennent quand ça passe. Pas que tu vives. Fait que là, ça passe comme du monde. Ça fait ce que ça a fait de te mettre en tout. Le discernement, c'est l'administration de l'intelligence. C'est l'application parfaite de l'intelligence. C'est extraordinaire, le discernement. Quand tu as du discernement, là, tu te sens comme un être total. C'est comme si tu étais sur une planète, là, puis elle t'appartient à la planète. Que t'allais n'importe où, t'es bien. T'es jamais étouffé, t'es étouffé, t'es étouffé, t'es étouffé. T'as rien qu'à changer de place, c'est trop tard. Tu changes, tu changes. Tu dois en mouvement, pas en mouvement, pas en mouvement. T'es libre, tu deviens un agent libre quand t'as le discernement. C'est extraordinaire. À ce moment-là, ton rapport avec eux autres devient un rapport plaisant, devient un rapport équilibré, devient un rapport d'intelligence intelligente. Ils ont fini leur travail. Quand ils ont fini leur travail avec ton esprit, eux autres, là, t'es bien. C'est quand ils font le travail là, que c'est fatigant. Et quand ils ont fini leur travail, t'es bien. La vie est belle, la vie est grande, la vie est vaste. L'horizon est vaste. Une chose qui me frappe, c'est les jeunes, là, qui j'en ai vu trois aujourd'hui en temps. Comment est-ce que il y a de plus en plus de jeunes qui veulent jouer avec les forces du diable, qui veulent se donner au diable, qui veulent connaître la puissance possible du diable. Les jeunes de 16, 17, 3 en fait. Qui veulent expérimenter ça jusqu'où ça ressemble. Ouais. Ça, c'est l'orgueil de l'ego. Ils se font prendre dedans. Il y a beaucoup de jeunes qui lisent sa magie noire, puis les traités de magie noire, puis les ci, puis les ça. Alors, tu restes à la danse tout à c'est un Nintendo, jeune gardienne, qui m'a raconté ça, elle avait 12 ans, qui joue à ça. Ouais. C'était là, on passionnait le téléphone, puis il pensait à rien. Ouais. Parce qu'il ne réalise pas le danger. Les gens ne réalisent pas le danger des forces vibratoires. Il y en a dans ça, c'était clair, il voulait se donner au gars. Ouais, parce qu'il ne réalise pas l'implication. Ah, ça, on m'entend parler de ça. Ça, c'est bien intéressant. Ça, c'est bien intéressant. Si tu crois qu'un être, un égo, seulement ça, comment se fait qu'un égo pourrait vouloir se donner au diable? À ce qu'appelle le diable, ça. Un égo qui veut se donner à ses forces, ça, c'est un égo qui manque de discernement. Total. C'est l'absence du... Sais-tu d'où ça vient, le discernement? Ça vient de l'âme. Le discernement. Tracer les liens de l'âme à travers le monde. Ouais. Exactement. Ça vient de l'âme, le discernement. Fait que si l'âme n'est pas évoluée, on se demande des fois, parce qu'on a tendance à essayer de comprendre d'une façon rationnelle, pourquoi est-ce que des hommes peuvent faire des bêtises tellement atroces comme Himmler, Hitler, ces gars-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de discernement. Quand une âme n'a pas de discernement, elle peut faire n'importe quoi. À ce moment-là, il n'y a rien à faire pour ça. Il n'y a absolument rien à faire pour ça. Puis là, je vais en parler un petit peu, là, parce que quand je dis que j'aime ça, continue. Quand je vous dis qu'il n'y a absolument rien à faire avec ça, là, faut savoir quand il n'y a plus rien à voir, là. À quel point qu'il n'y a plus rien à faire avec ça. Rien qu'une façon de savoir, c'est en leur demandant à eux autres. Si vous ne leur demandez pas, vous allez perdre de l'énergie pour rien. Fait que si vous autres, eux autres vous disent, j'ai plus rien à faire avec lui, laisse-les tomber, il se produit deux choses en vous. Il se produit d'abord une réaction émotionnelle au niveau de votre amour pour l'homme. Ça, c'est la première réaction que vous avez. Puis deuxièmement, il se produit en vous un sentiment d'incapacité que vous devriez avoir. Un homme conscient devrait avoir la capacité de changer n'importe quoi. Ça, c'est vrai. Mais il y a des facteurs d'énergie en vous qui vous le permettent ou qui ne vous le permettent pas. Ah, ça dépend de vos propres vibrations. Comme moi, par exemple, si j'avais une relation avec une personne qui fait de la haute magie noire, je ne vais pas chercher à le changer. du moment qu'il ne trouve pas ma vie. Comment tu veux dire? Je connais des gens à Québec qui font de la magie noire, mais ils ne trouvent pas ma vie. Puis les relations souvent qu'ils ont avec d'autres personnes sont des relations dont ces personnes-là ne connaissent pas l'implication. Puis s'ils trouvent ta vie? À ce moment-là, je suis obligé d'agir. T'as le pouvoir. Je suis dans le pouvoir. Mais je parle au niveau... C'est pas le cas de ceux qui sont ici, en tout cas. Non, je parle au niveau des gens. Quand il y a une âme qui a du discernement, qui rencontre une âme qui n'a pas de discernement, à un certain moment, elle va sentir, elle va se produire quelque chose, elle va avoir une petite vibration en dedans, elle ne sentira pas à l'aise. Là, il y a une autre orientation. Mais les gens qui ont des âmes qui n'ont pas de discernement et qui sont là-dedans, dans la magie noire, vous en occupez pas. Vous laissez faire. Ça fait partie de l'évolution. Ça, c'est important. Sans ça, vous allez vous fatiguer pour rien. De toute façon, la vibration de quelqu'un qui est d'intérêt est toujours inférieure à la vibration de celui qui est dans le temps. Tout le temps. C'est-à-dire, quand j'allume une lumière, elle est dans tout ça, tout à l'heure, je ne vais pas avec le délai. C'est ça. C'est pas une lumière, c'est ça. Non. Ouais. Parce qu'on a tendance, naturellement, de vouloir sauver tout le monde. D'aider tout le monde. D'aider tous les gens qui viennent dans notre entourage. C'est une perte d'énergie. Moi, je rencontre bien du monde, là. Il y a peut-être 800 personnes, là, qui s'en vont dans, qui évoluent un supplémentaire. Il y a des gens que ça passe pas. Il y a une forme qui les empêche. Je les laisse faire. Parce que ça serait une perte d'énergie. Un jour, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, ils se conscientiseront. Ils arriveront en contact avec d'autres personnes qui les amèneront à comprendre certaines choses. Sans ça, tu... Ça n'arrête plus. Quand tu as du discernement, tu sais ce qui se passe. C'est évident que tu ne peux pas t'attendre à ce que tout le monde sache puis tous les gens soient en harmonie vibratoire avec toi. C'est de l'illusion, ça. Voilà. Fait que tu t'occupes des gens qui ont cette vibration-là. Fait que ceux qui ont cette vibration-là, ben, tu es voué et tu as du plaisir avec eux autres comme eux autres peuvent avoir du plaisir avec toi. Fait que là, vous grandissez ensemble. C'est ça, du discernement. L'illusion de vouloir sauver tout le monde et guérir tout le monde, c'est une illusion de l'homme. Un homme qui n'a pas de discernement, c'est un homme qui est très faible. Un homme qui est très faible, c'est un homme qui n'a pas de volonté. Un homme qui n'a pas de volonté, c'est un homme qui ne peut pas changer le cours de son évolution. Puis si elle devient trop faible, puis trop faible, éventuellement, elle est très. Oui. Hein? Il dit ce qui est important, ce point-là. Non, je dis l'autre point. Puis que, il y a des gens qui ont trop d'énergie négative, pas négative dans le sens moral, hein. Mm-hmm. Qui est moral. La polarité. La polarité. Le pôle négatif. Alors, il y a des gens qui ont trop d'énergie négative, puis il y a des gens qui ont trop d'énergie positive. Si tu as trop d'énergie positive, c'est pas bon. Si tu as trop d'énergie négative, c'est pas bon. Faut que ça s'égalise. Puis le seul moyen d'égaliser l'énergie négative, écoutez les mains parce que c'est bien important. D'égaliser l'énergie négative avec l'énergie positive, c'est avec le discernement. Le discernement, c'est la balance parfaite. Ce qui arrive, c'est que dans le discernement, je me dis quand vous êtes obligé de poser une action, vous avez d'abord la forme qui vous empêche de la poser. Vous avez la pensée qui complexifie le problème. Vous avez l'émotion qui rend votre décision plus ou moins puissante. Fait que là, admettons que vous prenez une décision, vous allez la prendre mollo. Fait que vous allez changer l'énergie négative en énergie positive un petit peu. Pas trop. Parce que vous avez peur. Mais au moins, vous avez fait un mouvement. Chaque fois que vous prenez une décision, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, elle est toujours bonne. C'est toujours quelque chose. Tout le temps. Une décision, c'est toujours bon. Que ce soit bon ou mauvais, c'est toujours bon. Les gens qui sont trop spirituels, qui sont très spirituels, ils ont trop d'énergie positive, c'est pas bon. Les gens qui sont trop matérialistes, ils ont trop d'énergie négative, c'est pas bon. faut les deux. C'est plus difficile de détruire l'énergie positive que de détruire l'énergie négative. Parce que l'énergie négative, c'est déjà pour nous autres, si on la détruit, bon. Mais pour nous autres, de réaliser qu'on doit détruire l'énergie positive aussi, c'est bien tough. Parce que notre pensée subjective, qui est moralisante, va nous empêcher de vouloir détruire de l'énergie positive. Dans la destruction, dans le mécanisme de la destruction des formes, où le discernement, le regard froid et absolu du supramental sur l'esprit de l'homme, il y a assez de puissance là pour dire, wow, prendre l'énergie positive et la changer en énergie négative. Je vous donne un exemple. Vous avez un enfant. Vous voulez l'aider parce qu'il est prêt à se détruire. Vous allez avoir tendance à mettre énormément, développer énormément d'énergie positive envers cet enfant-là. Pas bon. Faut que vous développiez de l'énergie négative envers cet enfant-là. Pour votre propre évolution et pour la sienne. Ça fait balancer l'énergie. Si tu développes beaucoup d'énergie positive, ça maintient son énergie négative. C'est ça. Exactement. Ça appelle son positif. Exactement. Puis comment tu développes l'énergie négative? En étant conscient des formes, des sentiments, toute la bébelle, là, qui fait partie de vos illusions, puis qui vous empêche de descendre la volonté. Mais ça serait quoi l'énergie négative? Pas l'énergie négative. Elle ne trouve pas d'énergie négative. L'énergie positive que vous avez en trop. Non, mais tu sais, développer l'énergie négative. Vous autres, là, et tous vous autres. La changer en négative. C'est pour ça qu'elle avait pris. C'est qu'on en fond de l'enfant, par exemple, qu'est-ce que tu fais pour développer l'énergie négative vis-à-vis de l'enfant? Ben, c'est d'être impatient et de ne pas supporter ça. Vis-à-vis de l'enfant, oui. Si tu développes l'énergie positive. L'enfant qui a de l'énergie beaucoup, beaucoup négative, là. Oui. C'est fatigant. Oui. Okay? Toi, tu fais la bonne, tu endures ça, tu es patiente, tu développes beaucoup d'énergie positive, tu t'as fait. Oui. C'est ça que tu fais pour développer l'énergie positive. Oui. Tu le tolères, tu es patiente, tu es bonne, tu es douce, tu es protectrice, tu fais tout ce que tu peux pour l'aider. Ouais. C'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'il faut faire. Puis comment faire pour l'énergie négative? Quelqu'un qui a un enfant qui est fatigant, que ce soit l'enfant de l'autre ou tiens, c'est fatigant. Fait que tu dis que t'es fatigant, je t'en dois pas. Ça, c'est l'énergie négative. Oui. Quand tu dis que t'es fatigant, je t'en dois pas, passe-toi. Oui. Ça, c'est l'énergie négative que tu développes. C'est ça. Ça fait réagir l'enfant. Ça fait réagir. Ça crée un champ vibratoire. Voyez-vous? Oui. Le mot oui, c'est l'énergie positive. Le mot non, c'est de l'énergie négative. On est où? Quand tu dis jamais non. C'est pas moral. Vous voyez ça en dehors de la moralité. Et non volontaire. Oui, souvent on a de la difficulté avec un premier enfant, on a de la misère frustrée. Mm. On sent de la culpabilité, pas de bonne mère. Ouais. C'est ça. Ça, c'est bien important. Puis plus vous développez d'énergie, si vous avez trop d'énergie négative, d'ailleurs, tout vous autres, c'est de l'énergie positive, vous en avez trop. Vous vous appreniez à développer une énergie négative. Et éventuellement, vous allez arriver au juste milieu. Dans ce processus-là, vous développez le discernement. C'est ça, d'ailleurs, qui crée les liens émotifs. C'est ça. C'est le balancement d'énergie. Exactement. Exactement. Exactement. Peut-être plus concret sur l'énergie négative, c'est qu'on a trop d'énergie positive, on ne connaît pas assez l'énergie négative. Vous avez trop d'énergie positive, vous êtes trop bon. J'ai évité les... de l'autre bord. Je ne l'ouvre pas de l'autre bord parce que ça ne vous concerne pas l'autre bord. Vraiment? Ben oui, mais tu peux le développer. Quoi? L'énergie négative qu'elle veut savoir, comment c'est... Quand tu es bon, c'est positif, mais quand tu... T'es toujours bon. Mais quand tu laisses passer l'énergie négative, t'es comment? C'est dans la forme de l'énergie. T'es tête, quoi? Non. Graphique, encore. Supposons que vous avez un enfant. Bon, on prend votre cas. Un petit gars de 17 ans. Il faut à un certain moment que vous en arriviez à vous libérer émotivement de lui. Bien qu'une façon de vous libérer émotivement de lui, c'est en développant une énergie négative. Alors, l'énergie négative, c'est pas négatif dans le sens moral du terme. Mais dans le sens que, lui, il faut qu'il fasse son expérience. S'il fasse ses gaffes, ça fait partie de son expérience. vous y avez donné l'énergie positive pour qu'il évolue, puis s'il n'est plus capable d'évoluer, passer à un certain point, vous ne pouvez plus continuer à lui donner l'énergie positive, parce que vous allez le nourrir constamment. Enfin, vous êtes obligé de changer, puis donner l'énergie négative, pour qu'il y ait une scission quelconque. Ça crée automatiquement un choc. Les enfants, à l'âge de 2 ans, à la part du nombre aux dents de psychologie, naturellement, c'est ça qu'ils font avec leurs parents pour couper la symbiose avec la mère et avec l'entourage, pour s'activer lui-même. Mm-hmm. C'est ça, naturellement, l'enfant de 2 ans fait ça. Bon. Quand la mère est très patiente, là, puis qu'elle va chercher pareil dans son nom, comprends-tu? Il dit non, puis elle a rendu qu'elle dit non comme lui, là. C'est ce lien-là qui n'est pas coupé. Puis c'est ça qui crée des liens qui est le support de la psychose aussi, ultérieurement. Bon, quand c'est pas fait à 2 ans, la mère, l'enfant le fait naturellement à 2 ans, avec ce qu'il est. Et la mère, elle a absorbé ça, elle. Tu comprends-tu? Par taux d'énergie positive. La mère, elle va être obligée de le faire à l'autre bout de rendu à 18 ans. Quelque part, elle va être obligée. Puis ça qui est dur, puis comment développer, c'est dire non à ça. Dire ça. Non à l'amour, à la tendresse du gars pour elle. C'est ça. Le repousser, c'est ça que les gens filent comme le rejet. C'est ça. Exactement. Les gens ont peur de le faire. Puis l'Église, souvent, on est poignés, nous avec la femme de l'Église qui nous enseignait à être charitable, puis à être compréhensif, puis à être bon. C'est pas notre côté, ouais. C'est pour ça qu'on a trop d'énergie. C'est bon d'être charitable et compréhensif et être bon. Il y a une balance. Il y a une limite à la charité, puis à la bonté, puis à l'autre affaire que tu dis. Il faut qu'il y ait une balance. S'il n'y a pas de balance, tu ne peux pas être conscientisé. C'est impossible. Tu vas être pogné à tes émotions. Alors, tous les gens ont trop de un ou trop de l'autre. Les orientaux appellent ça yin-yang. C'est ça. C'est exactement ça. C'est dur pour nous autres d'en arriver. Avec notre culture, moi j'appelle ça mettre l'âge là. Faut qu'on le fasse. Puis dans votre expérience, vous allez être obligé d'apprendre à le faire. Vous allez être obligé de le faire. Quelque part dans le temps, en 2 ans, dans 10 ans, vous allez être obligé de le faire. Parce que c'est ça qui va vous empêcher de développer le discernement. Le discernement, c'est le résultat de la perception de ça. Ben oui. Parce qu'il n'y a pas possibilité d'avoir du discernement quand tu n'es pas seul dans ta peau. C'est ça. Quand tu as des liens émotifs avec les autres, tu vis tout le temps par la main émotive. C'est ça. Pas de possibilité. C'est ça. Tu n'es jamais autonome. Tu n'es pas seul. Ouais. Exactement. Exactement. C'est pas suicide, on est pas surveillant des enfants. C'est important de surveiller les enfants aussi. Les protéger, les enfants. Tu surveilles. Pour les protéger. Matériellement. Ouais. La seule protection qu'on a donnée aux enfants, c'est la protection matérielle. Matérielle. Parce qu'on est juste père et mère matérielle. C'est ça. Spirituellement, tu leur dois rien. Rien. On sait rien. Spirituellement, tu leur dois rien, tu sais rien. Il est temps que tu donnes des conférences. C'est ça que j'aimerais dire. Non, mais ça, là, Bernard, ça découle du fait qu'ils nous ont toujours cassé la tête avec nos responsabilités de parents, puis nos responsabilités de parents, nous. Tu sais, je veux dire. Ils nous ont cassé la tête avec nos responsabilités de parents parce qu'ils ont contaminé notre vie familiale par le biais de l'éducation. C'est ça. Autrement dit, prends un enfant, puis un mec, puis une père, là, sur une île, seul, là, laisse-les évoluer vers eux-mêmes, là, ils n'auront pas assez de problèmes, là. C'est ça. C'est la société, puis la culture, puis l'église, tout ce que tu voudras, qui nous ont mis trop épais sur le dos, point. C'est les épaules. C'est ça. De sa mère-là. C'est ça. Sa mère-là, l'église. Oui, d'accord. D'accord avec toi. On doit se couper de tout. Pour longtemps, j'ai fait ça. On doit se couper de tout. On doit s'enraciner en nous-mêmes. Mais je suis seule femme parce que tu dis se couper, on dit ça, se couper, mais c'est pas juste couper, parce que juste couper, c'est paralysant. Pour notre compréhension psychologique. C'est faut faire un move contraire. T'es obligé de faire un move. Faut toujours faire un move. Oui. Tout le temps. Il y a toujours une décision derrière une action. Une action que ce soit dynamique et créatif et jamais passif. Parce qu'il y a des actions passives. Faut que ça soit dynamique et créatif. Faut que ça fasse mal une action. Une action, ça fait pas mal, ça change rien. Faut pas dire, je vais prendre ma tête, ça conduit, ça fait pas mal à personne. Ouais. C'est bien important de comprendre ça, qu'on est obligé de développer de l'énergie négative parce qu'on a trop d'énergie positive. Ça paralyse le contact entre le supramental et le mental humain. Trop d'énergie positive. Ça veut dire, ça, c'est juste être fidèle à soi-même. Hein, c'est moi, fidèle à soi-même. Quand je suis allé t'écouter, ouais. Je te dis. C'est bien, ça. C'est ça. Exactement. Exactement. C'est ça. Et puis, nous-mêmes, c'est pas tout ce qu'on s'est dit. C'est ça. Quand t'as nagé, t'as nagé. Que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit ton fils, que ce soit celui-là. Quand tu n'as que là, tu n'as que là. Ben, j'ai l'air. C'est ça. T'es rebelle, puis là, t'as tout. Puis de part de l'éducation, c'est difficile de nous amener à ça. Oui. Parce que tu penses que c'est un calme, tu penses que c'est ça. C'est ça. Je l'ai vu aussi chez des jeunes de 15 ans, leur capacité à dire non à leurs parents. Eh oui. Je l'ai vu la capacité chez des jeunes de 15 ans à dire non à leurs parents. C'est-à-dire à prendre un temps. Ouais, ça fait partie de l'éducation. Ça fait partie de l'éducation. Moi, je dis qu'il faut être à soi-même. Oui. Et être fidèle à soi-même. Donc, si la fidélité, c'est bon pour les chiens. Fidélité à l'autre, c'est bon pour les chiens. Les chiens sont fidèles à leur main. Un être humain est fidèle à lui-même. Oui. Oui. Ça concerne tout ce qui est ça. Il dit qu'un être doit toujours être autonome en relation avec un autre être. Un être, deux êtres peuvent être unis dans l'amour, mais il faut qu'ils soient autonomes l'un envers l'autre. Jamais d'esclavage. Parce qu'il retarde de l'évolution. Puis être autonome et être dépendant, c'est deux affaires. Être autonome. Être autonome et être indépendant, c'est deux choses. Ah oui. Être indépendant, c'est psychologique. Être autonome, c'est créatif. OK. Être dépendant, moi, je suis dépendant de mon garage juste pour réparer mon auto. Mais je suis autonome parce que c'est moi qui choisis mes conseils et je le fais. C'est ça. Puis t'es libre d'y aller où tu veux pas y aller. C'est ça. Il y a jamais d'impulsion extérieure quand t'es autonome. Tu crées la condition du mouvement. Il n'y a jamais d'impulsion extérieure quand t'es autonome. Tu crées l'impulsion du mouvement. OK. Il vient dedans, tout dedans. C'est le temps. C'est comme l'araignée qui sort son fil. C'est ça. C'est étonnant. Elle l'accroche où elle veut. Elle l'accrochera toujours. Il y a toujours une place pour l'accrocher. Elle n'aura jamais peur de ne pas s'accrocher. Maman, j'aimerais ça entendre parler du temps. Du temps? Oui. À quel niveau? Tout le monde dit qu'il n'y a pas de temps, qu'on perd son temps, qu'il ne faut pas perdre son temps, qu'il faut utiliser son temps, qu'il faut prendre son temps, les temps pressent, le temps. C'est une illusion. C'est une illusion. Ça, le temps presse, blablabla. Ça, c'est toute une illusion de l'ego qui va aller plus vite ou moins vite. C'est toute une illusion de l'ego qui veut se situer envers lui-même en relation avec la créativité dont il veut disposer par lui-même pour le bénéfice de lui-même à ses yeux. C'est pas. C'est une attitude psychologique de l'ego. En relation avec l'effort, qui détermine que cette attitude psychologique-là soit plus forte ou moins forte. Il y a des gens qui souffrent plus du temps que d'autres. Puis la psychologie qu'on a du temps, c'est toujours une psychologie valorielle. On donne toujours une valeur à quelque chose pour accentuer le temps ou le diminuer le temps. Quand on est conscient, il n'y a pas de temps. 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, il n'y a pas de temps. Parce que tu penses pas. Aussitôt que tu penses, tu formules des idées. Quand tu formules des idées, tu t'accroches aux idées. Quand tu t'accroches aux idées, tu veux les manifester. Quand tu veux manifester, tu veux qu'elles deviennent manifestes. Si elles ne deviennent pas manifestes parce que les conditions ne sont pas appropriées, à ce moment-là, tu souffres du temps. Là, à ce moment-là, tu voudrais que ça aille plus vite ou moins vite. La patience, c'est ce qui tue le temps. Ouais. Quand tu es dans la patience, l'état de patience, il n'y a plus de temps. Tu peux plus penser en termes de temps. Fait que là, t'es bien. Mais le temps, c'est pas une condition de la matérialité. Le temps, c'est une condition de la psychologie de l'homme en relation avec les mouvements dans la matérialité. Mais c'est toujours une condition de l'esprit de l'homme. L'homme peut pas voir la vie d'une façon réelle, autrement dit objective, tant qu'il est pas conscient que la vie est vécue à son niveau en relation avec les formes. Une fois que l'homme vit plus en relation avec les formes, à ce moment-là, le temps n'existe plus. L'homme, L'homme vit pas dans le temps, il sait pas qu'est-ce que c'est. Le temps, c'est pas un temps réel, c'est un temps psychologique. Le temps psychologique, c'est une souffrance. Parce que le temps réel, c'est comme ça que les 10 minutes qu'on fait l'amour, qu'on joue ça bien le temps, c'est très court, puis je suis dentiste, mais 10 minutes, c'est très long. Ah, exactement. Parce que la forme est différente. L'une donne le plaisir, l'une donne la peine. Super. Dans le même temps. Même au niveau du plaisir de faire l'amour, s'il y a du temps dans le faiseur de l'amour, c'est parce que vous fonctionnez au niveau de l'amour astralement. Quand vous fonctionnez au niveau de l'amour dans le mental, à ce moment-là, il n'y aura plus de temps. Ça dure 2 minutes ou 10 heures, ça ne changera rien. C'est un peu un facteur d'énergie à ce moment-là, puis l'amour devient terminable. Et non psychologique. Sans ça, vous avez fini au bout de 10 minutes, vous avez utilisé des mots si ça ne dure pas longtemps. Ou si tout vous pensez que ça ne dure pas longtemps, vous souffrez du fait que ça ne dure pas longtemps. Mais si vous êtes mental, vous n'êtes plus dans le temps, à ce moment-là, que ça dure 10 minutes ou 2 heures, ça ne change rien. Ça dure ce que ça dure, puis plus rien ne va faire. Vous n'en souffrez pas parce que vous n'avez pas attaché du temps à l'amour. Puis tous les hommes attachent du temps à l'amour. Vos zizi sont toutes chronométrées. Fait que l'homme astral, ben, il développe son imagination astrale, son imagination, puis il s'arrange pour que ça dure le plus longtemps possible. Puis en s'arrangeant pour que ça dure le plus longtemps possible, ben, à ce moment-là, il se vide. C'est souvent possible, je vous ai une patate. C'est souvent possible. C'est quoi la fonction de la sexualité? C'est de rebalancer les corps, pur et simplement. De rebalancer les corps. C'est important dans ce sens-là de la sexualité, tant qu'on est sur le plan matériel. On voit ça sur d'autres plans, on fait d'abord. Et ici, rebalancer les corps. Ils disent qu'il faut vivre notre sexualité comme des animaux et non en animal. C'est comme des animaux, mais non en animal. Parce que si on y avait un animal, on a la couleur. Si on a vu comme des animaux, on a la couleur. Bon. Wow. Il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de musique. Il n'y a pas besoin de musique. Il n'y a pas de lumière, oui. La nuit ou le jour, ça se dérange. Alors, il y a une affaire avec la lumière. C'est subtil l'affaire de la lumière. Si dans un environnement, naturel, comme au soleil, sur une plage, par exemple, à ce moment-là, il y a la chaleur du soleil qui remplace la couverture de la lumière le soir. Mais si c'est dans une chambre, à ce moment-là, c'est plus relaxant parce qu'il y a plus de concentration d'énergie. Parce que la lumière rentre dans les yeux sont, c'est pas noir, c'est pas tout fermé. Mais les gens, quand ils font ça dans le miel ou qu'ils font pas ça dans le miel, ils calculent que s'ils font ça dans le miel, ils sont plus libérés. S'ils font ça dans le noir, ils sont moins libérés. C'est pas une affaire de libération, mais la forme est là pareil. C'est que c'est plus relaxant le faire dans la pénombre ou dans le sombre que de le faire avec une 150 watts. Je l'ai toujours dit. C'est occulte, la sexualité. C'est normal. C'est normal. Les gens disent, c'est beau, sexualité. Moi, je trouve pas ça que c'est beau, sexualité. C'est occulte. C'est grave. C'est comme manger. Quand tu manges, tu trouves pas ça grand, tu trouves pas ça beau, le steak est bon. La sexualité, ça va être bon. C'est bon. Trouver ça grand, ça, c'est toute l'euphorie. Puis la sentimentalité, puis c'est lié aux formes pour donner la vigueur de l'action. Tandis qu'une personne qui n'a plus, comme ceux qui me disent, oui, ben, allez, c'est crotté, cette affaire-là, peut-être. Et moi, c'est un véhicule de lumière, point, c'est tout. Ça devient un véhicule de ténèbres quand on rentre dans l'imagination de ça. Quand on rentre dans l'imagination, quand on ajoute notre imagination, quand on en a plus, qu'est-ce qu'on en a? Quand on en a plus qu'on a de besoin, là on tombe dans l'astralité de la sexualité. Quand on astralise notre sexualité, c'est là qu'on tombe dans les ténèbres de la sexualité. quand on l'astralise pas, qu'on la vit, autrement dit, l'énergie, elle descend, elle part par le mental, elle descend, elle descend. Quand est-ce qu'elle est, quand l'astralité est vécue au niveau de l'énergie qu'elle contrôle d'en haut, où nous autres, avec notre ego, on fait pas interférence pour l'amplifier ou pour lui donner des side turns, à ce moment-là, elle est vécue d'une façon réelle. Puis on s'y attache pas à ce moment-là. Parce que la grande souffrance de la sexualité chez l'homme, c'est qu'il s'y attache à sa sexualité. Tu dis à quelqu'un, tu vas te faire couper le zizi la semaine prochaine, je te jure que tu tombes en dépression. Comment tu dirais qu'il m'a donné 50 000 piastres d'année par année de salaire? Si tu as coupé le zizi, il a mieux avoir 15 000 piastres par année de salaire. Parce que le zizi, c'est important, c'est une fonction de la conscience. Si tu te fais couper le zizi, la fonction de la conscience est éliminée, puis comme tu es encore astral, puis tu es encore subjectif, tu es encore de l'imagination, puis tu fonctionnes encore au niveau des émotions humaines, de la sentimentalité humaine, la valeur de la vie tombe. Comme le stock market. Mais donc, fonction de la conscience. La sexualité, c'est une fonction de la conscience, dans le sens que la sexualité exprime sur le plan matériel des vibrations qui servent à régénérer soit la race humaine ou à balancer ton corps. La sexualité, c'est en fonction de la conscience. Mais nous autres, on ne voit pas de même. On voit la sexualité en fonction de notre corps astral. On ne la voit pas en fonction de la conscience. C'est là qu'elle devient occulte. Quand on la voit en fonction de la conscience, elle devient occulte, à ce moment-là, on n'en souffre plus. Qu'on n'aille, pas se rendre. Donc, c'est comme en là, à ce moment-là, t'es libre. C'est là la liberté sexuelle. C'est pas ce que les gens pensent. Les gens s'accrochent à des hauts plafonds sur des cornes. Puis, faire de la sexualité. Ils appellent ça la sexualité libérée. C'est pas la sexualité libérée. On est libre dans quelque chose quand on est libéré de quelque chose. On est libre dans quelque chose quand on est libéré de quelque chose. C'est être libéré des formes liées à la sexualité qui la rend non occulte, purement astrale. Ça va loin l'affaire de la sexualité. Quand tu rentres dans le supramental, tu es rendu réellement en connexion avec les forces supramentales. La sexualité dirige l'activité par elle-même. Elle n'est plus dirigée par ton corps astral. Tu n'as plus de contrôle sur la sexualité à ce moment-là. Le courant passe. Soit le métro, soit chez Eden, il passe là. C'est là, faut que tu agisses. C'est une façon de parler. Comment ça, le problème, là? Je suis encore au stage, faut que je dise, en guillemets, c'est une grande série. Mais le mensonge, la sexualité, c'est que c'est lié toujours à l'autre personne. Le mensonge? De la sexualité, c'est que c'est toujours lié à d'autres personnes. C'est le « de » ou le... Il y a un mot là, que j'ai besoin. Alors, comment tu m'as dit? Le mensonge de la sexualité. Ouais. Parce que nous autres, on est dans la loi du mensonge. Ouais. Fait que la sexualité, pour nous autres qui sommes dans la loi du mensonge, ça devient un moyen... Ça devient pas un moyen, c'est toujours relié. L'illusion du monde, c'est que c'est toujours relié à d'autres personnes. La sexualité, ça peut pas se vivre sans d'autres personnes. Ouais. D'où, par exemple, si t'es mon mari, mes fesses t'appartiennent. Ils m'appartiennent quasiment plus, puis je peux plus faire ce que je veux avec, ils t'appartiennent. Ouais. Tu comprends ça comment faire ces courants? Ouais. Bon, c'est parce que je veux dire, moi, là-dedans, c'est que pour moi, les formes de ténèbres de ces autres plans, là, ça fonctionne exactement comme la mafia sur la planète Terre. Ouais. OK? Puis la mafia, qu'est-ce qu'ils font? Ils séduisent les gens où ils font peur. Ouais. OK? Ils séduisent pour t'avoir dans le gang. Ouais. Puis quand ils sont dans le gang, ils font peur pour te garder dans le gang. Ouais. OK? Ouais. Puis comment ça marche la mafia sur la terre? Comment ça c'est? Avec quoi ça marche? C'est avec deux choses, l'argent et le sexe. Ouais. OK? Puis la mafia, elle existe dans tous les couples non conscients. Ouais. Parce que dans la mafia, qu'est-ce qu'on va, dire? On va dire, si tu fais pas ça, puis on crée le besoin, par exemple, quelqu'un qui a besoin d'argent, puis on lui dit, je vais me donner 500 pièces, passe-moi ce ticket-là au web. Toi, t'es séduit, tu dis, hey, 500 pièces, ça va peine, je passe ça au web. Mais après, t'es pas mis dans l'affaire. Comprends-tu? Bon. Alors, dans la mafia, je peux plus être fidèle à moi-même. OK? Parce que je suis engrenée, dans l'engrenage. Puis, c'est nébuleux parce que dans la mafia, tu connais jamais le boss du boss. Tu connais juste le boss immédiat. Fait que tu peux plus jamais te défendre. OK? Bon. La même chose pour moi dans les forces, toutes les formes de possession appartiennent donc aux forces des ténèbres. possession de la mère sur son enfant. La possession de l'enfant sur sa mère, éventuellement. Très la possession du mari sur sa femme. La possession de la femme très sur juste, sa mère. Très juste, très juste. Ça fait partie, ça fait pas partie, c'est de la collaboration au corps des ténèbres pour les gens qui sont inconscients. Très juste, puis ils savent pas. La personne qui salue Saint-Laurent, puis qui décide de prostituer, puis c'est clair pour elle qu'elle gagne sa vie avec ça, pour moi, elle est belle en lumière. Mais la femme, qui n'est pas capable de dire non à son mari, ça lui tente pas de faire l'amour, mais pour avoir la paix, ou pour avoir un manteau de fourrure, elle va dire oui, c'est la prostituée. Ça, comme je dis, dans la plupart des couples, il y a bien plus de prostitution que celle du Saint-Laurent. Il y a de l'entendement dans ton intelligence. Ça veut dire qu'il y a des nuances dans son esprit, des nuances valent la peine d'être comprises. Les choses les plus difficiles à comprendre sont les plus nuancées. Les choses les plus nuancées sont les plus faciles à comprendre. Puis pour pouvoir parler au niveau de l'esprit avec des nuances dans l'esprit, il faut avoir un esprit développé, évolué, sensible, vibratoirement. Il faut être débloqué. Il faut être sûr. Il faut être sûr. Faut savoir. C'est comme quand on parle de fidélité dans les couples. Juste tantôt, je disais, être fidèle à soi-même, c'est top en mots que tu dis. Toi, quand tu dis René votre vie, là, toi, tu dis ça comme ça. Je veux dire, le monde t'écoute, là, puis on est vendredi soir, là, puis on est assis, puis là, on n'applique pas ça dans sa vie concrète. On sait pas que, tu sais, pour moi, ce qui est important, c'est la psychologie, c'est l'application dans la vie concrète de tous les jours, là, tous les jours. C'est bien beau aller à une conférence de Bernard, mais dans le lit, qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que ça, j'ai à faire quelque chose avec ça dans le lit. C'est ça, matérialiser puis concrétiser l'énergie mentale aussi. L'énergie mentale, je l'ai quand je t'assis ici, t'asseoir. Mais là, je vais... C'est comme à double sens. Tu sais, des fois, tu dis, il faut mentaliser votre énergie. Mais avant de mentaliser l'énergie, quand tu commences à être ouvert au supramental, il faut matérialiser le mental. C'est-à-dire le faire descendre de sa vie concrète. Le faire descendre de sa vie concrète, ça ne veut pas dire, je m'occupe plus du mental, puis je m'occupe plus de la physique, puis je vis comme un rat. Mentaliser l'énergie, c'est le faire descendre au niveau du matériel. Mentaliser l'énergie, quand je dis mentaliser l'énergie, ça veut dire prenez l'énergie émotionnelle que vous vivez puis qui vous empêche de vivre votre vie d'une façon autonome, puis mentaliser, hein, ça veut dire détruisez les formes qui vous empêchent de faire ça pour que vous puissiez descendre l'énergie dans le matériel. Voilà. Oui, je comprends ça, mais ça c'est, en tout cas, je veux dire, moi avec le monde que je suis en contact avec, là, c'est du monde comme ça, on a besoin de faire le gap entre ce que tu dis là, dans les mots qui sont tout à fait neufs et vibratoires, là, qui ne sont pas de connexion intellectuelle pour nous autres, puis le gap entre ça, ces mots-là, et puis la réalité concrète. Tu sais, t'entends, je relève genre, oui, mais maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est bien beau, c'est Hélène, quand tu me parles de 56 patentes, de matériel, qui passe des ténèbres, qui passe la lumière. Mais oui, mais à ce temps-là, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis mon mari, là, qui me donne la merde, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis les enfants qui sont malades, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu comprends? C'est ça qui. En tout cas, pour moi, c'est ça qui est important. De m'enchouder, de rendre digérable. Pas se mettre à mentaliser de la merde. Tu sais, le monde va me dire. Ben oui, j'ai besoin que je parle de la fusion. Non, je serais cette fois, on parle de la fusion. Ça me concernait un peu, tu sais, qu'on finirait par en sortir de ce stimulant-là. Mais en attendant, dans 3 ans, supposons que je vais être fusionné dans 3 ans ou dans 10 ans. Il faut que je vive ici maintenant, moi, ma vie. Il faut que je cherche qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ça, dans la vie concrète. C'est bien beau de dire, ah ben, ça marche pas avec ton mari, c'est vibratoire. Ça répond à mon problème comme ça à gagner. Il faut que je le lise dans ma vie concrète, ça. C'est ça qui est difficile pour nous autres individuellement. Puis c'est ça. Je trouve que si on n'est pas capable d'apprendre à faire ça, là, la pensée, là, elle joue en montagie. Parce que tant que je ne le fais pas dans ma vie concrète, je le pense, ce que ma mère me dit. Ça me rentre dans ma tête. Tu comprends-tu? Quand je reviens d'un séminaire, oh, c'est bien chaud, c'est bien froid, les vibrations sont hautes, toi, t'es au-dessus de tout le monde. Puis là, le matin, tu rentres à la job. Puis là, le soir, tu couches avec ton chum. C'est comment le vivre dans la vie concrète. Moi, c'est ça, je trouve, qui est bien important. C'est toi, je vous dis tout le temps. Moi, je vous parle, je vous donne des points de référence, après ça, c'est votre expérience. Il faut que vous en arriviez à le descendre dans la matière, dans votre vie de tous les jours. à le comprendre dans votre vie de tous les jours. Mais c'est ça qui me fait comprendre qu'il y a du monde en qui disent, moi, je veux plus rien savoir de Bernard. Je suis allée voir Bernard, puis je veux plus rien savoir de Bernard. Parce que c'est cette connexion. Joint, là, cette connexion-là qui se fait pas. C'est ça. C'est pour ça que les gens essaient de voir comment ça marche, les agiteurs, comment est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent. On essaie de voir, eux autres, comment ça marche. Parce qu'on ne sait pas comment est-ce qu'ils marchent avec nous autres, dans le concret. Uh-huh. C'est des grands personnages, les agiteurs de temps. C'est des êtres de lumière. T'sais? En tout cas, moi, l'affaire qui m'a frappé avec la gang de chum, là, c'est que ça nous parle à la tête d'adulte, c'est tout ça. Puis ça, je trouve ça important de dire ça. Parce que c'est pas bien, c'est pas très noble, tu comprends-tu? C'est pas moins notre rôle, là, mais c'est pas notre rôle le plus noble, tu sais. Parce qu'ils font mieux. Mais c'est ça, ça me parle. Puis moi, je trouve ça important que ce soit là que ça me parle. Moi, ça me parle, ça me dit quelque chose, ça me parle. Oui, parce que c'est là que vous relaxez le plus. C'est pas humain, c'est notre condition humaine. Puis nous autres, on est portés, comme des sœurs et des frères, là, à pas parler du cul, parce que on est grand, on parle pas de ça. C'est pas beau de dire ça, c'est pipi caca. Tu comprends-tu? Puis on tombe dans l'esthétique. C'est ça. On tombe en force. Tout revient en force. Tout revient. Toi, tu jouis de ça. Quand tu dis ça, tout revient en force. Mais moi, je suis contente de jouer, de voir que c'est ces toilettes que ça me parle. Moi, ça s'appelle la forme, je m'en sers. Toi, t'as du fun à jouer avec ça, c'est beau tout. Tu comprends-tu? Moi, ce que j'aime, c'est de briser ces toilettes. C'est ça. Pète tes formes. C'est ça. Plus tu pètes tes formes, plus tu vas être clair. Plus tu es là. Et là, plus tu comprends leur jeu, plus tu es dans la lumière, puis plus tu es dans la lumière, parce que la lumière n'a pas de couleur. Elle n'a pas de maudite couleur. Mais ce que j'arrive pas à voir, c'est difficile, c'est de voir qu'ils jouent dans des affaires aussi ordinaires et quotidiennes. Ma pauvre fille, c'est des affaires les plus ordinaires, les plus quotidiennes, que les femmes sont les plus puissantes. Mais c'est ça qu'on dit. C'est pas l'Église, c'est pas l'Oratoire Saint-Joseph. C'est ça que je dis, arrête d'adorer ces sacrements, puis commence à agir. Parce que t'as beaucoup d'âmes qui sont contemplatives. C'est des gars, puis c'est eux autres qui sont sensibles. C'est eux autres qui le capotent. C'est les contemplatifs qui capotent. Parce qu'ils descendent passer dans la forme ordinaire. Puis regarde tous les psychotiques, tout ce qui est l'énergie physique ou sexuelle, ça leur dit rien, ça. Puis là, ils se pensent bien avancés, ils sont au-delà de ça. C'est pas vrai, faut qu'ils passent dedans. C'est juste. Faut qu'ils goûtent ça. Faut que t'aies du fun avec ton corps, t'as du fun avec tes autres. Entièrement raison. Quand je dis, moi, il faut que tous les sept clans soient intégrés. Toutes. De haut en bas. Exactement ça. Il est temps que tu donnes des conférences. Style-là d'affaire. Vas-tu collecter 5 piastres? As-tu 5 piastres en soi? Tu te sépareras pas avec Bernard, c'est sûr, moi, je suis satisfait puis je voudrais dire. Bring me $100. Just give me the money. Reste pas couillé dans la forme, là. C'est toi qui est pas couillé. Là, c'est toi qui est pas couillé dedans, là. Tu vas te faire du. Tu vas être gêné d'accepter 100 piastres. Là, tu vas être pogné. J'en ai tout 100 piastres. You got it? No, but I'll take about 2 cents. You don't have $100? You don't have $100? What do you mean? You mean from these people? Yeah. Give me 10 envelopes? Yeah. Bunch it up together and give me $100. Tout revient à fort. Tout. Puis où il nous accroche? C'est quand ta forme est basse, puis basse. Parce que nous autres, on est haut. On est contemplatif. Il faut qu'on ait... Je vais vous dire une chose. Je vous garantis absolument que dans l'évolution vers le supramental, ils vont vous descendre de plus bas ici. Ils vont vous amener... Si, quand vous n'aurez pas fait la connexion entre toutes les plaies, que vous ne serez pas à l'aise... Dans tous les clans, le travail ne sera pas fini avec eux autres. Ça, c'est garanti. C'est garanti. C'est des lois supplémentaires. Parce qu'eux autres, ces êtres-là, agissent totalement, sont totalement en dehors de la forme. Ils sont totalement anti-égaux. Vous parlez du pouvoir de la lumière dans l'âme? Le pouvoir de la lumière dans l'homme ne rentre jamais dans l'homme en relation avec la façon dont l'homme pense. C'est eux autres qui déterminent les lois d'évolution, pas nous autres. C'est à nous autres d'aller y vivre les lois d'évolution, pour savoir comment ce qui fonctionne. 310. Quand on comprend ça, là on commence à comprendre comme ça, c'est là que nos centres s'ouvrent. Pour que nos centres s'ouvrent, il faut qu'on s'ouvre. Bon, Bernard, quand tu dis là, les forces de lumière sont totalement anti-égaux. Sont anti-égaux. C'est vrai. Ben, c'est pas c'est vrai. Je te couvre, par contre. Quand je dis anti-égaux, je veux pas dire qu'ils sont contre l'égo. Bon, ils sont anti-égaux qui est pogné dans la forme. Mais ils respectent l'égo. C'est ça. Ils respectent l'égo quand l'égo est conscientisé à eux autres et que l'égo comprend les lois de la lumière. C'est ça, les lois de la lumière. Tant que l'homme comprend pas ça, l'homme comprend rien. Peux-tu avoir les enveloppes? Oui. Moi, j'essaie de vous faire comprendre par des mots très simples ce qui est très clair. Puis tant que vos égos bloquent à la forme de ce que je dis, vos égos peuvent pas aller... D'abord, on vous dit quelque chose. Ça en est un autre exemple. Vous pourrez jamais comprendre la vie autant que moi je la comprends tant que vous n'êtes pas dans l'éther. Je suis fusionné. Dans l'éther, vous serez fusionné. Fait qu'en attendant, je deviens pour vous autres comme un être qui vous est à 360 degrés pour que vous autres vous puissiez aller pour en arriver éventuellement à 360 degrés. Éventuellement, vous verrez à 360 degrés, mais vous ne pourrez pas appliquer l'énergie dans la matière avec autant de précision que je le fais à cause du tuning de radio. Le tuning qu'ils font eux autres par la grande souffrance et la fusion. Parce que dans la fusion, ton ego, il peut pas être pogné d'une forme. Quand il voudrait, il peut pas. Il est là, elle est là la clé avec eux autres. Fait qu'il y en accroche un qui fonctionne, qui est capable de le prendre, la fusion, là ça marche. Mais vous savez, c'est pas la fusion d'abord qui est importante, c'est la conscience. Quand vous aurez la conscience, éventuellement, vous arriverez à la fusion, anyway. Mais pour vous autres, la fusion, ça ne sera pas une souffrance. Parce que nous autres, moi, je l'ai vécu, la fusion à l'envers. Vous autres, vous allez la vivre avec le temps, graduellement. Vous allez arriver à un point où vous allez arriver à un certain plateau où votre vie va être comme du monde. Puis là, la fusion va venir quand ça va être le contact avec les forces de lumière. Tandis que dans l'autre cas, c'est que la fusion se fait, puis après ça, les corps s'ajustent. Fait que quand les corps s'ajustent après la fusion, t'en souffres une maudite chat. Mais tu tournes, par exemple. Fait que quand tu parles, même si tu t'emploies des mots très simples, l'énergie apporte. Fait que quand je vous dis qu'ils vont se servir de n'importe quoi, tout ce qui est forme, chaque fois que vous avez une petite réaction au niveau de l'émotionnel, de votre sentiment, concernant eux autres, c'est fort. C'est là que je vous accroche. Avec le temps, vous allez avoir la tête claire. Les formes, il n'y en aura plus. Vous ne pourrez plus être prisonnier des formes. Elle commence à comprendre. Quand quelqu'un commence à comprendre, à ce moment-là, c'est le temps que quelqu'un commence à fonctionner. Plus il y aura de gens comme elle, plus il y aura de gens fonctionnels, mais plus moi je pourrai me retirer, puis plus il y aura de gens qui pourront continuer dans leur secteur à faire un travail qui amènera l'homme vers le supramental. Mais il faut que vous me compreniez, bon. Si vous vous bloquez dans votre ego, parce que des formes, moi, je peux vous en créer des formes, pour que vous en arriviez à les détruire, ces formes-là. Quand vous arrivez à détruire les formes que je vous crée, ben, à ce moment-là, vous êtes petit guidou. Vous devenez autonome. C'est important d'être autonome. Puis bien plus que vous le pensez, parce que vous autres, l'autonomie, aujourd'hui, c'est une réalisation que vous faites. Un jour, vous allez réaliser que l'autonomie, c'est un pouvoir interne de l'homme dans lequel la lumière se manifeste. C'est par l'autonomie. Tant que vous n'êtes pas totalement autonome, ça veut dire totalement en dehors de la forme, la lumière, elle ne peut jamais se manifester parfaitement. C'est pour ça que c'est ici, là. Fait que vous avez en belle à raffiner votre esprit en relation avec les chocs vibratoires que je crée, moi, quand je vous parle, puis que je vous parle, puis que je vous parle, puis que je vous parle. Que... C'est ça que je vous parle, ça n'a pas de rapport. Puis plus vous êtes conscient à votre propre vibration, mais plus j'aime ça vous parler, parce que plus c'est facile pour moi. Puis plus c'est facile pour moi, mais plus je parle. Parce que c'est plus au niveau des mots, là, c'est simple l'énergie. Puis l'énergie, c'est l'énergie. Mais l'énergie, elle vous reste. Puis elle vous permet de voir les formes, elle vous permet de devenir autonome, puis à fonctionner dans votre milieu ou dans votre structure d'une façon totalement créative. Faut que vous en arriviez un jour à pas avoir demandé à personne si c'est ça ou si c'est ça. Quand on est avec quelqu'un sur la même vibration, il n'y a pas de départ à faire, il n'y a pas d'ajustement. Il n'y a même plus besoin de dépasser l'énergie à parler pour se mettre à la vibration. Ce que j'appelle parler, là, quand en psychologie, on parle beaucoup actuellement de communication. Il faut dialoguer, comme on dit. Ça, c'est des efforts qu'on fait pour ajuster, s'ajuster ensemble deux personnes. Quand on est sur la même vibration, deux personnes ensemble, c'est ça le loisir. C'est ça le loisir. Le plaisir. Oui, le plaisir du loisir. C'est ça qui différencie le travail. En tout cas, pour moi, là, quand je suis dans ma job, je suis en train de travailler, je l'aime ma job. Mais sauf qu'à me demande d'une dépense d'énergie, parce que je suis toujours en contact avec des gens qui ne sont pas sur ma vibration. Qui ont besoin d'air, puis c'est moi qui le fournis. Quand je suis au niveau de mes loisirs, je ne veux plus être en contact avec les gens avec qui je travaille. C'est pour ça que mon numéro de téléphone est privé. C'est pour ça que moi, j'avais de la distance d'un gros à faire des millions sociales pour parler d'énergie. Mais les gens, ça ne m'intéresse pas le cœur. Je fais ça journée longue. Je trouve ça le fun qu'on arrive dans une civilisation du loisir parce que c'est une intuition vers ça, ça s'en va. Ou se mettre même, quand ce qu'on dit, ça même longueur d'onde avec les gens. Puis au fond, c'est ça qu'on dit quand on va être dans le ciel ou dans le bien-être. C'est qu'il n'y aura plus de travail parce qu'on va être à la même vibration. Il n'y a plus d'effort. C'est ça l'harmonie vibratoire. Il n'y a plus d'effort à faire. Parce qu'actuellement, tel qu'on est, on travaille pour créer des loisirs, puis il y a du monde qui travaille à faire des loisirs. C'est vraiment un mensonge. Oui. Le loisir, ça doit être une faculté créative de l'homme en relation avec le plaisir de vie. Dans le loisir, il doit y avoir aucun effort. Alors, supposons, par exemple, si on parle de faire l'amour, ça devrait être un loisir. Il devrait pas avoir effort. L'amour, c'est... Puis éventuellement... L'amour, c'est un plaisir. Oui. Puis éventuellement, par exemple, quelqu'un qui s'amène une vibration avec une autre personne, qui fait l'amour, il n'y a pas de perte d'énergie. C'est ça. Elle est absorbée. C'est important de faire la différence entre l'amour comme loisir et l'amour comme plaisir. L'amour doit être un plaisir, non un loisir. Parce que le loisir, c'est astral. Le plaisir, c'est vital. C'est en fait de mots. Le groupe en monte tout le temps. Mais à ce moment-là, le groupe devient un microcosme. Ça devient une micro-société. Puis éventuellement, ça monte tellement que ce groupe-là n'est plus capable de fonctionner avec des groupes autres que lui-même parce que la sympathie vibratoire est pas là. Ils comprennent trop de choses. Moi, je fonctionne dans un petit groupe. Moi, j'ai mes amis, là, de proches que j'ai vécu l'initiation avec. Là. Ma femme, celle qui fait la cuisine, tout ça. Là. On vit ensemble. Mais l'énergie vibratoire est tellement... La conscience est tellement haute que on fonctionne comme une unité. Mais rendu à un certain point, tu ne peux plus absorber une vibration qui barre. Mais t'as pas besoin non plus. Parce que tu deviens autonome. Fait qu'autant un individu peut devenir autonome, autant un noyau, un groupuscule peut devenir autonome. Et vu qu'un groupuscule devient autonome, il faut que la vibration soit supramentale. À ce moment-là, le groupuscule devient autonome. S'il n'est pas supramental la vibration, mais à ce moment-là, le groupuscule, il va falloir qu'il cherche toujours à l'extérieur de se renflouer d'énergie. Avoir des nouvelles idées que vous avez. Parce que c'est quand le groupuscule est supramental que les idées continuent, puis ça continue, puis ça continue. T'arrêtes jamais de parler, ça continue. Mais là, tous les gens qui sont dans ce groupuscule-là ne font plus partie d'un groupe. Ils sont des individus qui constituent un micro-organisme social qui remplit des fonctions créatives, mais toujours à l'intérieur des limites infinies de la conscience supramentale de chacun. Donc à ce moment-là, tu peux être avec un petit groupe de 5 ou 10 ou 12 comme ça pendant des années de temps. Ces gens-là deviennent ta société réellement, réelle. Change les conditions sociales, change les conditions de la civilisation, ce groupuscule-là s'en va occultement sur la Terre quelque part pour rencontrer les dimensions où il est en harmonie vibratoire. Parce qu'un groupuscule comme ça, c'est un, il est un, mais toujours des individus autonomes. Ce qui est bon dans les gens qui se rencontrent, c'est que les gens, au stage où ils en sont rendus, peuvent voir, d'après ce que les autres disent, comment ça se rapporte à eux autres. Fait qu'un est le reflet de l'autre. Tandis que quand vous êtes conscientisé, il n'y a plus personne qui est votre reflet. Vous n'avez plus de miroir devant vous. Vous n'avez plus besoin de miroir. À ce moment-là, vous n'avez plus besoin de voir personne. Ou vous voyez ceux que vous voulez voir qui n'ont plus de miroir. C'est pour ça que tu dis que c'est important de parler avec quelqu'un, ouais. De parler à quelqu'un, ouais. Pour voir ce que... Ce que l'autre a dit. Parce que parler à quelqu'un, ça dégénère en discussion, puis une discussion, c'est une perte d'énergie. Mais au début, on a avantage à parler avec d'autres, mais ça dépend toujours de la personnalité de chacun. Il y en a qui ne sont pas intéressés à parler avec d'autres gens que je connais, ou des gens que je connais qui ne sont pas intéressés. Ils ont un patent, puis ils fonctionnent. Ils sont bien. Mais il y en a d'autres que c'est bon pour eux autres de parler avec d'autres. Il n'y a pas un individu pareil. Il faut respecter tout le monde. Il faut respecter celui qui n'a pas besoin. Il faut respecter celui qui a besoin. Même celui qui a besoin, quand il parle beaucoup, il dépense d'énergie. Il dépense d'énergie. Puis ça fait partie de son expérience. Puis il en arrive un jour à parler moins. Ou à parler autant. Mais avec une vibration plus précise. J'ai rien contre le parler, le phénomène de parler, c'est bon de parler. Mais il faut parler, pas jaser. Le problème, c'est que les gens jasent, ils ne parlent pas. Quand tu parles, tu es souhaité dire quelque chose. Si tu dis rien, tu jases. Si tu parles et tu dis quelque chose, il y a de retour une oreille qui t'écoute. Mais si tu jases, il y a une oreille qui va s'endormir. C'est subtil l'affaire de parler. Parce que quand on parle, on n'est pas tout seul à parler. Vous autres, si je parle, vous écoutez. Mais si je ferme ma boîte, il y en a toujours un qui va parler. J'écoute. Ça va de deux bords. C'est quand on parle, qui n'est pas bon. Bernard, épuiser, briser la forme, ça serait comme épuiser l'énergie de la forme. Ouais. Tu sais, quand tu dis, par exemple, il faut briser les formes. Bon, moi, je suppose que... Je vais venir au couple, parce que c'est des affaires qui touchent ma job, là, qui touchent tout le monde. Supposons que je vis dans une vie de couple, OK? Bon. Le couple, c'est une forme. Je dis, il faut que je brise les formes. Par exemple, la personne, elle commence à dire, bon, il faut que je vive les formes, ça veut dire que je ne peux plus vivre en couple. Moi, je dis qu'il faut que tu vives en couple jusqu'au bout pour épuiser ta forme de vie de couple. Parce qu'autrement, tu vas garder le désir, l'énergie qui reste de la forme, c'est ça le désir. C'est ça qui supporte le désir. Tu comprends-tu? Ce qui fait que tu vas avoir envie de faire un couple encore avec d'autres. Ben, tu vas tomber dans une autre forme. Aujourd'hui, pour moi, il y a beaucoup de divorces. C'est comme si on n'a plus le temps de mourir pour changer de personne avec qui épuiser la forme de couple. Parce que la forme de couple, c'est une forme, mais elle change de couleur avec les personnes selon lesquelles elle est épuisée. Avant, les gens vivaient toute leur vie avec la même personne. Aujourd'hui, pour moi, il y a beaucoup de divorces. Pour moi, c'est bien positif, ça. Dans le sens qu'on n'a plus de temps pour crever, s'incarner, puis épouser une autre personne, puis épuiser la richesse de la forme de l'énergie de cette forme-là. Fait que pour moi, quand il y a des formes qui se brisent, que ce soit des formes de couple, c'est bien positif. Ça ne veut pas dire que toutes les couples qui se divisent, c'est toujours positif. Individuellement, ça devient toujours positif. Mais c'est que c'était toujours le temps. Un couple, ça doit servir quand ça sert. Quand ça ne sert plus, ça ne doit plus servir. Si ça doit servir tout le temps, ça sert tout le temps. Ça dépend toujours des relations vibratoires entre les deux individus. Si deux individus dans un couple, si deux individus à cause d'un couple, de la forme du couple, sont empêchés d'évoluer dans leur autonomie totale, à un certain moment, il peut y avoir destruction du couple, consciemment ou inconsciemment. Si deux individus sont en harmonie vibratoire dans le couple, à ce moment-là, ils ne sont plus dans le couple. Ils créent un couple. Ils ne sont plus dans la forme du couple. C'est comme moi et ma femme. Moi, je ne peux pas m'imaginer rencontrer une femme sans d'aide comme ma femme. Parce que ma femme, elle a été tournée, amenée à un niveau vibratoire qui me permet de vivre avec elle d'une façon supramentale parfaite. Fait que, pour moi, une autre femme qui peut remplir ces conditions-là, il faudra qu'elle passe par une initiation similaire ou parallèle. J'ai plus l'énergie de faire passer une femme par une initiation similaire ou parallèle. Fait que, moi et ma femme, on est deux individus, on forme un couple automatiquement parce qu'on est deux, mais on n'est pas emprisonné dans la forme du couple. Mais comme on est bien ensemble, parce qu'on est harmonisé ensemble, on reste ensemble. Oui. Si on n'était pas bien ensemble, on ne serait pas dans l'état, dans l'état dans lequel on est, automatiquement on briserait la forme. Elle s'en ira de son bord. Pour créer probablement une autre forme. Ou pour vivre seul, puis moi je ferais la même chose. Puis rendu au stage, je serais rendu mal. Probablement que je vivrais tout seul. Mais comme quand on devient supramental, le dialogue est extrêmement important, c'est plus intéressant de vivre à deux que de vivre seul. Parce qu'il y a un mouvement d'énergie au niveau du mental qui fonctionne. Mais il faut que tu sois à la même longueur, donc à tous les niveaux. Fait que si le couple, la forme du couple retarde ça, à un certain moment, il y a possibilité de la rupture. Si les individus qui la brisent, cette forme-là, sont assez mûrs, puis assez centrés, puis assez forts, puis assez de volonté, à ce moment-là, ils la font. Mais ils ne détruisent pas la qualité de la forme. Ils détruisent la forme. Mais ils ne détruisent pas la qualité de la forme. Puis la qualité de la forme du couple, c'est la relation de deux êtres humains ensemble. Les couples qu'on voit, c'est pas nécessairement les couples. Les couples qu'on voit, c'est pas nécessairement les couples. Les couples qu'on voit ne sont pas nécessairement des couples réels. Ce sont des couples ajustés, amenés ensemble, créés, si vous voulez, par des conditions subjectives, par des accidents du parcours de route. Des accidents de parcours de route. Autrement dit, des événements dans la vie qui précèdent le discernement. Moi, quand j'ai rencontré ma femme, ils ont dit, c'est elle, tu maries celui-là. Fait que dans le discernement, j'avais pas le choix. J'avais même pas passé par la phase d'être en amour pour établir le lien du couple. Fait qu'ils ont dit, c'est elle, final. Mais je disais, comment est-ce que je vais pouvoir parler avec cette femme-là? Ils ont dit, avec le temps. 7 ans. Fait qu'au bout de 7 ans, ben, j'étais à la même longueur d'onde. Mais c'est parce que j'avais le discernement. Tu peux pas t'imaginer que les gens fonctionnent de même. C'est pas normal. À moins d'avoir une connexion et une fusion. Et si j'avais pas eu la fusion et la connexion, je l'aurais rencontré, je ne l'aurais pas rencontré. Parce que j'aurais aimé avoir une femme intellectuelle qui parle beaucoup, d'autres considérations. Mais comme j'étais dans le discernement, que je fonctionnais en relation avec l'avenir et que les autres connaissaient, puis j'étais fusionné, mais j'ai passé par ça, est arrivé à un niveau de vibration qui est équivalent au mien. Fait qu'aujourd'hui, bon, on vit un couple. On a créé un couple. À ce moment-là, ta volonté, c'était de l'épouser aussi. Faut que l'épouser. Non, c'était pas ma volonté. Non, c'était pas ma volonté. Tu dis que ça fait un moment donné, cette affaire-là. Ta volonté, puis tout, avec les gens. Ils ont imposé ça. J'ai subi le plan de la conscience supramentale. Ça faisait partie de ton initiation, ça? Non? Non, parce que j'ai jamais souffert de ma femme. Mais elle a souffert de moi. Pour être amené vibratoirement à un taux de vibration qui pouvait correspondre à la vie. Voilà ce que je veux dire. Ils ont choisi quelqu'un qui était capable de le prendre. Eux autres le savaient, moi je le savais pas. Fait que si j'avais été soumis aux accidents de la vie parce qu'elle avait des grosses boules ou des belles jambes, ou je sais pas moi, comment les gens se rencontrent, à ce moment-là, j'aurais frappé un nœud quelque part. Vas-y, je m'en dis, je l'ai pas malé pour des conditions matérielles ou sentimentales ou motives. Quand elle m'a demandé à même-tu, je disais à ta vie que c'était des hommes. Là, je suis obligé de leur demander. Parce que je pouvais pas être en amour. Tu peux pas être en amour, ben, c'est vraiment pas. Mais elle, ça crée des tensions. T'sais, quand t'as un mari ou t'as un chum, c'est normal, la femme a dit, tu m'aimes-tu? Tu veux dire, qu'est-ce que c'est que tu dis? Mais ça, c'est des conditions initiatiques. Mais qui prouvent que quand l'homme fonctionne en relation avec le discernement, éventuellement, tu crées le couple. Puis à ce moment-là, c'est indestructible, le couple. Mais ce qu'il y a du discernement. Mais les gens qui s'accoupent en relation avec des accidents de parcours de vie qui font partie de leur expérience, qui sont pères. Mais quand tu dis que tu crées le couple, quand tu dis que tu crées le couple, c'est pas le couple que la société lui crée. Parce que quand tu te maries, là, tu rentres dans la forme du couple que la société t'a donné. Oui. C'est un couple, ça. Oui. Et c'est un couple-là, il fait tout le monde. Il est quoi? Il est fait au plein de fait super. Il est clair. Okay? C'est pour ça qu'il y a des gens, par exemple, qui vont venir ici. Moi, je crois, j'ai des gens de ma clientèle qui viennent te rencontrer et vous disent, ben oui, mais mon mari, ça ne marche plus. Toi aussi, tu as donné des instances là-dedans. Tu as donné des... Mais ça ne marche plus. Pas parce que ça marchait avant, c'est qu'il n'y avait pas de conscience que ça ne marchait pas. Plus d'élite de conscience. C'est ça. C'est ça. Puis quand tu dis les couples, je dis les couples, c'est pas toujours ce qu'on voit. C'est pas parce qu'un gars et une femme vivent ensemble que c'est un couple, genre. C'est pas ça la forme du couple. C'est pas la maison extérieure qui abrite le couple qui a la forme du couple. C'est le contrat vibratoire que j'en avais dit, ou la vibration qui parle. Un couple, c'est un contrat vibratoire. Un couple, c'est essentiellement un contrat vibratoire. C'est seulement dans un contrat vibratoire qu'un couple est uni dans ce que j'appelle moi, l'amour, ou la conscience, si tu veux. Puis où les deux individus sont totalement autonomes. Mais sont autonomes dans une conscience. Ils sont pas autonomes dans le sens qu'un peut faire ce qu'il veut et l'autre peut faire ce qu'il veut. Parce qu'à ce moment-là, tu n'as plus besoin de ça. Tu es déjà totalement harmonisé. Ben oui, quand tu as la vibration de l'autonomie, c'est pas ce que tu veux. C'est ça. Exactement. C'est subtil l'affaire du couple. Je suis content d'en parler. Parce que c'est le problème de bien du monde, l'affaire du couple. C'est subtil l'affaire du couple, parce qu'il y a des gens qui ne me comprennent pas. Il y a bien des gens qui ne comprennent pas, mais t'es envoyé. Il y a bien des gens qui ne comprennent pas, j'ai pas d'énergie à parler de ça. Il y a bien des gens qui ne comprennent pas ce que je veux dire. Là, j'ai fait une cassette, là, j'ai un petit là, t'es mieux tout seul, t'es mieux vivre tout seul, t'es mieux heureux seul que malheureux à deux. Je pense que je ne mettrai pas, je ne passerai pas tout seul dans la conférence. Là. J'ai cru ça créer des fils de mèche. Parce que les gens, ils vont pas comprendre ce que je veux dire. Ils vont comprendre ce qu'ils veulent dire. Ils vont comprendre ce qu'ils veulent comprendre. Oui, c'est ça. Ce que ça fait leur affaire. Oui. C'est ça, ils vont dire, Bernard nous dit, on se parle. Qu'est-ce que ça va? Ça me retombe tout sur la tête. Oui, c'est vraiment. C'est pas le point. C'est que ça crée des discordances pour rien. Je veux que les gens comprennent ce que je veux dire. Ça n'a pas de discernement. Là, c'est ce que je vais faire au niveau des couples et des affaires de couple. Je t'ai envoyé toutes. On m'a toutes envoyé, des affaires de couple. Ce qu'elle parlait tout à l'heure, là, son problème d'argent, tu viens d'y régler. Ouais, mais tu sais, ça m'a toujours frappé, moi, des fois, tu sais, quand je vois des couples qui arrivent, le problème, c'est qu'elle, elle aime un autre, ou lui, en aime un autre. Moi, la phrase qui me vient tout le temps dans ma tête, c'est marqué dans l'Évangile, je leur dis, c'est marqué dans l'Évangile, de se poser de pratiquant, de croyant. C'est marqué, aimez-vous les uns les autres. C'est pas marqué un à la fois. Ouais, mais... Tu comprends-tu la différence entre l'amour qui est une vibration et le sentiment, ben toi ça comprend la différence, le sentiment qui est une vibration. C'est ça qu'il faut le monde. Aimer, c'est de l'énergie. Donc, t'en as ça amplement pour aimer tout le monde. Mais aimer tout le monde énergétiquement, c'est pas se laisser dominer par personne. C'est pas le grand amour avec une personne. Bon, ben, il va falloir finir par vivre ensemble un jour, mais sans ça n'a pas d'allure. La lumière, elle va se mêler. La lumière de nos âmes, on va finir par sortir des vidéos. Ouais, mais les gens ne sont pas rendus assez mentales pour ça. Non, je le sais, ça. Mais sauf, par exemple, dans la vie concrète, ça arrive, ça, hein? Oui. Que tout d'un coup, tu ne sais pas que tu as un autre. Oui. Puis tu n'as pas le choix, ça. Oui. Puis il y en a des personnes qui vivent ça. Oui. Mais je vais te dire une chose concernant ça. Parler de vibration. C'est plus facile que ça que ce soit toi qui dis ça que moi. Parce que moi, si je dis ça, moi, si j'explique aux gens la forme, la patente de la forme, les gens automatiquement me comprennent pas parce que je parle d'une certaine façon. Puis j'élimine tous les petits détails psychologiques qui entourent la compréhension. Tandis que toi, si tu expliques ça, tu vas maintenir les petits détails psychologiques qui expliquent, qui enferment la compréhension. Mais les gens ne te prendront pas d'une façon aussi absolue que moi, ils vont me prendre. Fait que ça permet à ces gens-là d'arriver à comprendre plus facilement ce que je veux dire d'une façon absolue que s'ils le prennent directement de moi. Comprends-tu? C'est dans ce sens-là que des gens comme toi et puis d'autres peuvent faciliter la compréhension supramental concernant des aspects de la vie tous les jours qui sont très sujets à la mauvaise interprétation. Et moi, je me donne assez de misère avec cette petite gang-là sans avoir de la misère en plus avec quelqu'un qui vient nous aider. Oui. Puis on a moins... Je sais qu'il y a des personnes qui ont de la misère à comprendre ça parce qu'ils peuvent tout mettre bord. Je me souviens, moi, de la journée au mois de juillet. Tu as dit quelque chose au sujet du couple, puis moi, de la façon que tu l'as dit, je n'étais pas d'accord pas en tout. Je n'ai pas écouté, tu as dit, je parle pour toi. Puis, je comprenais ce que tu voulais dire, mais je te dis que ça ne rentrait pas en tout comme ça, de la façon que tu le disais. Tu comprends-tu? Mais ça, il y a eu des feedbacks aussi là-dessus. Ouais, puis je suis rendu à un point, là, on va le dire, là. Je suis rendu à un point où j'ai très fermement l'intention de ne plus perdre d'énergie. Je veux parler, je veux avancer, mais je ne veux plus perdre d'énergie, puis je veux plus subir de feedback. Je ne veux plus en subir de feedback. Fait que si les gens ne comprennent pas telle chose, je vais dire, va voir un tel. S'ils ne comprennent pas telle autre chose, je vais dire, va voir un tel. S'ils ne comprennent pas telle autre chose, je vais dire, va voir un tel. Moi, je suis plus capable. Là, quand tu expliques quelque chose à quelqu'un qui n'a pas compris, c'est une perte d'énergie pour toi. Non. Si j'explique quelque chose que quelqu'un ne comprend pas parce que c'est trop nuancé, c'est une affaire de hiérarchie. Oui. C'est vibratoire. Il y a des choses que je comprends, moi. C'est normal que les gens ne comprennent pas tout de suite. Que le gars ne comprenne pas tout de suite. Que lui ne comprenne pas tout de suite. Mais il y a des gens qui peuvent comprendre puis transmettre tout de suite. Il faut qu'il y ait des relais. Parce que quand je parle d'une façon... Je parle d'une façon totalement centrique. Puis les gens sont pas centriques. Fait que le différentiel qui existe entre ma centricité puis le manque de centricité des gens fait qu'il y a des éclaboussures. Oui. Fait que ça prend des relais. Fait que si une personne comprend ce que je veux dire, mais elle va le passer à sa vibration pour que ça soit plus digérable à l'autre. Puis je suis rendu à ce stage-là. C'est pour ça que j'ai dit à Noël, j'ai dit, il va y avoir des changements, mais tout ça. Autrement dit, la pyramide vibratoire, je la structure. Je vais structurer. Puis les gens qui comprennent telle chose, je les connais. Quand je veux que quelqu'un comprenne quelque chose, je l'envoie à B7. Quand je veux qu'un autre comprenne d'autres choses, je l'envoie à Croteau. Quand je veux que quelqu'un comprenne d'autres choses, je l'envoie à l'autre. Puis au niveau des couples, ils envoient à elle. Ou d'autres comme elle qui comprennent. Parce que quand les gens comprennent, je sais qu'ils comprennent. Puis quand ils ne comprennent pas, je sais qu'ils ne comprennent pas. Fait qu'aussitôt qu'une personne comprend un domaine de l'activité dans lequel j'essaie de jeter de la lumière, à ce moment-là, je me sers de cette personne-là pour continuer ce travail-là. Pour que l'autre, ensuite, puisse continuer ce travail-là. Ainsi de suite. Puis ça fait ça sauvegarde l'énergie. Ça sauvegarde l'énergie. Parce que quand tu mets un petit contenant dans un trop grand contenant vibratoire, il y a un vide, là, puis l'autre perd l'énergie. Exactement. Puis je suis rendu à ce stage-là. Puis le fait que j'ai donné ça à la pièce ce soir, c'est le symbole vibratoire de cette activité-là. C'est le mouvement en retour. C'est le mouvement en retour. Je comprends ce que je fais. Moi, je ne fonctionne pas par psychologie. C'est vibratoire, moi. J'ai pris 100 pièces, payé ses dettes. C'est vibratoire. Il y a une raison vibratoire là-dedans. Je ne fais rien pour rien. Rien. C'est une clé. Ça, c'est comme si je dirais à elle, c'est comme si me dirait à eux autres, elle comprend ce que tu veux dire, elle peut fonctionner. Il y a des gens que j'empêche de venir dans des petites rencontres, tu sais. Pourquoi? Parce que C'est le bordel entre le mari et la femme. Je cite pour aider les gens, pas pour retarder la révolution, pas pour créer le bordel dans le ménage. Si les gens n'ont pas la carence, n'ont pas la force, n'ont pas l'intuition, n'ont pas le discernement pour fonctionner en tant qu'unité, en tant que deux unités, pour réorganiser la matière vibratoire de leur vie, à ce moment-là, il faut les canaliser dans une autre direction. Moi, je ne peux plus perdre de temps, j'ai trop de choses à dire. J'ai trop de choses à dire. Puis, j'ai pas grand temps. Plus il y aura des gens qui comprendront, plus l'énergie passera, puis plus ça passera, puis plus ça passera, puis plus ça passera. Quand on sera rendu au niveau télépathique, ça passera encore plus. Il faut que les gens comprennent. Les gens m'aiment bien, mais ils ne comprennent pas. Donc même si tu m'aimes bien et tu ne comprends pas, éventuellement, il y a un feedback qui se passe. Surtout dans l'affaire de la famille, parce qu'une chose est délicate, c'est bien l'affaire de la famille. C'est là-dedans qu'on est toujours touché. C'est là-dedans qu'on fait tous les jours. C'est que notre évolution se fait derrière. C'est ça. Les étrangers, c'est ça. Que notre évolution se fait, là. Effectivement. Puis les forces de ténèbres, ils n'utilisent pas le monde que j'aime pas, ils utilisent le monde que j'aime. C'est ça. Aller. Exactement. Exactement. Vous autres, là, quand vous comprenez ce que je veux dire, pour moi, c'est comme un poids qui s'enlève de mes épaules. Constamment. Un poids. Fait que je deviens de plus en plus léger. J'aaime de plus en plus mon travail. Il faut que j'aime mon travail parce que j'ai bien beau fonctionner au niveau de la volonté de l'avoir éventuellement, je suis capable. Je viens fatigué à terre. Là, il me replogue encore. J'ai à terre pareil. Faut que j'aime mon travail. Pour que j'aime mon travail, faut que les gens comprennent ce que je veux dire. Alors, faut que ça soit hiérarchisé l'affaire. C'est pas un pape, moi. Parce que je suis fatigué, je dépense d'énergie, j'en dépense d'énergie. Il n'y a pas que mes séminaires, mes ci, mes ça, j'ai d'autres activités. Moi. Je me couche pas comme vous dites, vous autres, vous couchez, vous passez des belles grandes nuits, moi je me couche puis je dors pas. Je peux passer 2-3 semaines sans dormir, puis donner des séminaires, puis gueuler, j'en dépense d'énergie. Fait que faut que cette énergie-là soit comprise, faut qu'elle soit saisie quelque part dans le temps. Fait que si elle ne peut pas être saisie du plan où je la parle, elle sera saisie d'un autre plan. C'est la même énergie nouée. Mais au moins, elle va être véhiculée avec une vibration qui permet à des gens de se connecter plus facilement. Ah, je ne gaspille pas l'énergie, ça marche fatigué pareil. J'en dépends. Il faut la récupérer au niveau du corps qui la dépense. Là. Quand tu parles, si tu parles, tu t'en vas dans un système, puis tu t'en vas dans un grand hasard. Là, tu dépenses de l'énergie, c'est fun, parce que là, tu parles toujours de quelque chose de neuf. Mais quand tu es obligé de rester près du noyau, là, tu sais, les choses essentielles que je considère moins essentielles pour la vie, là, des choses saines, niaiseuses, là, tu sais, que tu es obligé de répéter, puis répéter, puis répéter, puis répéter de différentes façons, 50 000 façons. C'est ça. Heureusement, je me rappelle pas ce que je dis, je capoterais. Ah, parler du cosmos, puis ça, c'est le fun. Ça meuble l'esprit, ça avance nulle part. Mais comment vivre tout de suite dans la rue, là, dans le bureau, dans la famille, dans le lit, tout ça, là. Ça, c'est ça que je considère essentiel. De temps en temps, je réponds à vos questions, vous donner un petit peu de souffle, pas pour vous tenir dans cette vibration-là. Parce que le saint, pour moi, c'est facile, mais pour vous autres, c'est moins facile, le saint. Jusqu'à temps que ça devienne facile, le saint. Quand ça devient facile pour vous autres, le saint, là, ça rentre, là. C'est là que vous devenez un canal. Quand vous parlez, on vous écoute, puis c'est ça. Moi, quand elle parle, c'est ça. C'est ça. Fait que faut que je ferme ma gueule quand elle parle, parce que c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand des gens pourront me parler que ce sera ça, à ce moment-là, les gens pourront parler à d'autres. Fait que là, j'aurais pas l'inquiétude que les gens diront des choses qui sont pas justes, parce qu'ils seront déjà ajustés. Parce que si tu commences quelque chose, si tu commences à former un noyau vibratoire dans une conscience sociale, tu suis cette affaire-là. Ils me parlent, eux autres, quand je suis là. Tel là. Qu'est-ce que tu sais ce qui se passe dans vos vies? Ah, t'es obligé de toujours ajuster, pas ajuster, pas ajuster, pas ajuster, pas ajuster, pas ajuster, pas ajuster. Ah, tu viens, fatigué. Mais mon numéro de téléphone, je ne donne pas par ça. Ma mère était épuisée en fin de semaine, là. On a fait un séminaire. Tu as fait un séminaire en fait, ça? Fait un séminaire. téléphone rouge pas. Lundi, j'ai dit lundi après le séminaire, couche-toi pis dors, pose-toi, va-t'en au vu, va-t'en chez Hilton. Non. Téléphone, pis téléphone, pis téléphone, pis téléphone, pis téléphone. Serve, qu'est-ce que c'est, 800 téléphones? Fait qu'après ça, moi, je suis obligé de la booster, elle. Fait qu'on se booste constamment. Une personne appelle. Elle pense que c'est elle qui appelle. Moi, je suis même, moi, j'ai pas de ligne, il n'y a personne qui sait ce que je fais. Si elle, il y a quelqu'un qui capote l'autre fort, là, à ce moment-là, je vais les appeler. Il faut qu'ils capotent bien fort. Parce qu'ils pensent qu'ils capotent. T'en as eu deux sur ce 5 qui ont bien capoté. Là, ils capotent plus. Fait qu'il faut hiérarchiser l'énergie. Ah, il y en a qui hiérarchisent. Il y en a où l'énergie est hiérarchisée dans le domaine du spirituel, de l'astral, des illusions, de tout ça. Il y en a d'autres au niveau de la psychologie, puis c'est très important la psychologie. C'est à peu près temps que ça commence à s'hiérarchiser dans le domaine de la psychologie. Vous savez quels accords? Il y en aura d'autres. Mais il faut qu'elle me comprenne. Si elle ne me comprend pas, elle peut pas passer l'énergie. Fait que tant qu'elle me comprend pas, j'attends. Tant qu'elle me comprend, je continue. Parce que vous allez comprendre un jour que quand les gens vous comprennent, c'est un grand plaisir. Un maudit grand plaisir. Peut-être le plus grand plaisir que l'homme peut avoir. Parce que quand tu es conscient de l'intelligence supramentale, tu es plus intéressé à ce que tu sais. T'es intéressé à faire passer l'énergie. Et s'il y a des gens qui en font passer l'énergie, t'es content. Puis ça va, mais plus il y a des gens qui me comprennent, qui me comprennent, qui me comprennent. Il y en a parmi ceux qui ont une vibration pour leur favoriser, ce qu'ils savent. Tant mieux. Il ne s'agit pas de me comprendre, il s'agit de savoir ce que je veux dire. Quand les gens savent ce que je veux dire, automatiquement ils se comprennent. Quand ils comprennent, ils peuvent le parler. Quand ils parlent, ça continue. Il y a le jeu. Tout bon. Moi, ça fait 10 ans qu'il me parle. J'ai tout. Ça n'arrête jamais. C'est infini à conscience. Je vous dis, c'est infini. Mais la clé à la conscience, c'est la vibration. Quand les gens sont capables d'écouter vibratoirement et non psychologiquement, là, à ce moment-là, ça grandit. La psychologie, elle se développe. C'est une structure, la psychologie. Tu emploies des mots, tu les mets d'une certaine façon, tu développes des théories dessus. Tu peux pas aller voir quoi. Mais il faut que tu aies la vibration. Il faut que tu saches ce que tu dis. Il faut que tu sois sûr de ce que tu dis. T'as pas besoin d'être sûr. Au moins, il faut que tu sois sûr de ce que tu dis. Quand vous serez sûr d'être sûr, à ce moment-là, vous serez sur un autre plan vibratoire, vous aurez la responsabilité de votre gueule. Quand t'es sûr d'être sûr, t'as la responsabilité de ce que tu dis. Parce qu'à ce moment-là, ce que tu dis te charrie. Tu peux pas parler comme tu veux, tu peux pas parler de crème glacée quand il faut que tu parles de d'autres choses. Tu parles de d'autres choses, puis c'est ça. C'est pas toi qui choisis les sujets de conversation. C'est eux autres qui choisissent les sujets de conversation. Quand tu me demandes une question, toi, je te dis, c'est pas important, c'est ça qui passe. Fait que c'est ça qui passe. Mais moi, c'est moi qui ai le feedback de ça. Tu peux dire, c'est un colon. Bon, non, tu peux être neutre. Si t'es neutre, mais là, je suis content. Parce que là, t'as appris quelque chose vibratoirement. Mais ça prend beaucoup de patience. Patience. C'est là l'amour. Parler de l'amour, c'est ça l'amour. Pas un sentiment, l'amour. C'est ça, l'amour. Bernard, une fois, je suis sortie de la cour, puis mon appart, puis mon expertise, elle n'a pas eu bien la grande première. J'étais bien amondie, parce que la façon que je voyais ça, en tout cas, c'était bien écœurant, comment ça s'est passé, puis je ne racontais pas. Mais en même temps, ça arrive sur le boulevard Saint-Joseph, au point de Saint-Denis, puis écoute, ça me dit en même temps. Je vous ai envoyé. Un jour, je vous ai envoyé comme des brebis au milieu des loups. Vous êtes tout fait écorcher vif. À cette heure, je vous envoie au milieu des loups comme des brebis. Développez votre discernement pour ne pas vous faire écorcher vif. Vous n'allez pas vous faire écorcher vif. C'est ça. Exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Quand vous dites quelque chose, soyez assez rusé pour être capable de faire éclater le retour de feedback, le retour de ce que ça fait, ce que vous dites. Tu comprends-tu? Quand tu dis quoi, ça provoque, parce qu'il dit les fils des ténèbres sont toujours plus rusés que les fils de la lumière. Quand tu dis quelque chose de lumineux, ça provoque une réaction en retour des fils des ténèbres. Puis ça, il faut que tu la fasses péter avant que ça te prenne. C'est ça. Bien qu'une façon de la faire péter, c'est d'être totalement neutre. Quand tu es neutre, ça va plus vite. Ça peut pas t'affecter. Le jour que j'ai changé de travail, j'avais fait ça dans mon édition, puis j'étais allée étudier ce que je voulais étudier pour donner ce que je voulais donner à ma manière et tout ça. Maintenant, je travaille depuis 2 ans, il y a peut-être deux cours où j'ai réussi à faire encore là-dessus. C'est ça. Que vous soyez fatigué, ça c'est normal. Non, mais vous faire vider, ça c'est non, normal. Jamais. Parce que plus vous vibrez, plus vous avez de l'énergie. Fait qu'il ne s'agit pas de vous faire vider. Si vous faites vider, c'est parce que votre émotion est là-dedans. C'est ça, c'est de l'attachement. C'est de l'attachement. Tu rentres la vibration de la personne, tu rentres dans son problème. Tandis que là, je rentre pas. C'est ça, il ne faut jamais s'impliquer dans les... C'est ça, tu le regardes. C'est ça, exactement. Tu sais ce qui est le plus drôle, c'est qu'il dit que... Il dit qu'on est chanceux d'un sens, parce qu'il dit qu'on apprend d'une façon très simple des choses qui sont très, très complexes. On apprend d'une façon très simple des choses qui sont très extrêmement complexes. Parce qu'on simplifie dans notre savoir qui est complexe. C'est ça. Il dit plutôt qu'on est chanceux. Puis il se passe. Le travail qui se fait est bien plus vibratoire que vous imaginez. Quand ils me disent, moi, qu'on va créer. Qui ont l'intention de créer un noyau de conscience vibratoire. Pas un mouvement social, ils ne créeront pas de mouvement social. Mais un noyau de conscience vibratoire qui ne sera jamais éteignable. Puis les formes viennent de n'importe où, puis les influences viennent de n'importe où, ça ne pourra jamais éteindre ça. Jamais éteindre ça. Il y a votre doute qui peut vous faire trembloter de temps en temps. Mais avec le temps, vous n'aurez plus de doute. Parce que vous allez savoir ce que vous savez. Quand vous allez savoir ce que vous savez, vous allez savoir comprendre ce que vous savez. Puis quand tu comprends ce que tu sais à ce moment-là, tu n'es pas intéressé à comprendre rien. C'est là que tu comprends tout. C'est très puissant la conscience supplémentaire. Les fois, les liens sont très grands. Ils grandissent. Puis à un certain moment, paf! Quand ça va descendre sur le plan matériel, c'est forcément à ce moment-là, les gens vont pouvoir passer d'un niveau vibratoire à un autre. En attendant, il s'agit de descendre dans la rue puis vivre nos vies. Il dit de le payer notre 10 piastres. Faites à fond. Quelque chose sur laquelle j'aimerais que tu reviennes, c'est sur le fait. Moi, je suis souvent pogné avec ça. C'est-à-dire que je suis pogné pour prévoir des choses. Tu peux prévoir des choses du moment que tu n'es pas pogné dans la forme de la prévision. Tu peux prévoir, je vais donner un exemple. Souvent que tu vas aller en voyage d'hydrogène, tu planifies ton voyage le mieux possible pour pas avoir de comeback. Pour un beau voyage. Prévoir, c'est servir de son intelligence en relation avec les données qu'on a à main. Mais ça, c'est pas être pogné dans le temps. C'est se servir de notre intelligence. Être pris dans le temps, c'est quand on trouve ça long. Quand les choses n'avancent pas. On a hâte que le voyage arrive. Ça, c'est être pris dans le temps. Avoir hâte d'évoluer. Ça, c'est le prix d'Alden. C'est ça qu'eux autres vont vous amener à détruire c'est là que se développe en vous la patience. Parce qu'une fois que vous avez la patience, vous devenez inébranlable dans votre esprit. Mais quand je suis poigné pour prévoir des choses dans 2-3 mois, je ne sais pas comment ça va être dans 2-3 mois. Je suis poigné pour le prévoir tout de suite. Tu sais, faut que... Prévoir, c'est construit dans le temps. Tu construis dans le temps. Puis je vais te dire une chose. Si tu construis dans le temps, la construction sera jamais exactement comme tu t'en attendais. Mais ça donne une structure avec laquelle tu peux t'identifier pour parcourir ce temps-là d'une façon plus facile. Mais il faut que tu t'accroches à la forme. S'accrocher à la forme de prévoir, c'est progresser. S'accrocher à la forme de prévoir, c'est programmer à l'intérieur d'une structure dont tu penses que tu es efficace ou non. Oui. Mais lui, son problème, c'est pas ça, c'est qu'il a de la misère à prévoir. T'as de la misère à prévoir? Comprends. Puis moi, il faut que je prévoie qu'au mois de juillet, il faut que je sédule mes vacances. Comprends-tu? Puis ouais. Là, je viens pour le mois de mars. Ouais. Puis j'arrive au mois de juillet, puis là, ça fait pas mon affaire, mais là, je suis pogné avec parce que j'ai sédule au mois de mars. Mais là, au mois de juillet, la situation a changé. Ouais. Là, ça fait plus mon affaire. Il faudrait les changer de place, mais là, je peux plus. Bon, il dit à ce moment-là, laisse-toi une porte de sortie. Prévois, mais pas d'une façon finale. Pas d'une façon. Oblige-toi pas. Pas d'une façon finalisante. Là, tu bâtiras pas autant. Sa relation émotive, la vie. Parce que là, on va commencer à être inquiet. Que ça, c'est la prochaine affaire qui vient. Ah, c'est comme excellent, ça marche. On s'inquiète de devenir fatigué. On en sent plus fatigué à l'idée de se dire il est tard, on est fatigué, on se fatigue, mais plus on se programme. On se programme. Automatiquement, notre corps physique est plus fatigué qu'il sera parce que notre corps astral lui enlève de l'énergie. Hey, moi, j'ai une personnalité. Tu vois, j'explique ça au monde. Parce que je suis pas très sûre dans l'explication. Moi, je dis, tu sais, tu as les corps, là, mettons les quatre corps, là, physique, éthérique, astral et mental. C'est comme des couches de pur d'oignon autour de l'âme. OK? Qui serait comme l'âme, c'est la lumière, puis qui est emprisonnée par les couches. Ces quatre corps-là, ça forme l'ego. Mais la proportion des quatre corps en elle, c'est la personnalité. C'est pas bête, bandeau. C'est comme quand tu fais. Tu prends des œufs, de la farine et du lait. Selon les proportions que tu les mêles, tu fais un gâteau, ou bien non, un tel épice, ou bien non, une crème, ou bien non. C'est toujours la même bande. C'est comme ça qu'on se ressemble tous. On a tous les mêmes ingrédients. Mais organisés de façon différente, on se présente comme un gâteau, ou bien non, comme une tarte. Puis quand les gens se déprécient, par exemple, la première façon d'acquérir leur autonomie d'abord, c'est que les gens, ils se nivellent au niveau de tout le monde. Par orgueil, parce que s'ils ne se nivellent pas, ils vont être différents, ils vont être obligés d'être parfaits. Puis comme être parfait, sa planète, c'est bien vu, parce que c'est l'ego qui regarde la perfection. Et ils vont être déçus parce que l'ego ne donne jamais l'image de perfection. Fait qu'on est toujours égaux au niveau de l'âme, au niveau de la lumière de l'âme, ou d'énergie intérieure. Alors, c'est ça qui est le positif. On est égaux au niveau de ce positif-là. Mais on est tous différents au niveau de nos égaux. Fait que, moi, en tout cas, quand je dis aux gens, un gâteau vachon, il n'est pas plus gâteau vachon qu'un autre gâteau vachon. Tu sais? Alors, la lumière, c'est pas plus lumière ta lumière que ma lumière. Là-dedans, on est égaux. Parce que souvent, on dit, toi, Hélène, tu comprends ça, t'es psychologue. T'es chanceuse, t'as compris ça, comme si moi, l'avais appris, je sais pas trop, là. À l'université. Mm-hmm. Et quand tu comprends ça, c'est toute facilité parce que ils savent que l'étiquette, ça lui appartient à l'ego. Puis quand je le regarde dans le miroir, c'est le mais je regarde jamais la lumière dans le miroir. C'est le corps, c'est la bottine, c'est la pure de surface. C'est juste. Bonjour tout le monde. Salut. Il dit que Il dit que si on savait écouter les gens, on apprendrait différentes façons de dire des choses. C'est le langage populaire qui a raison sur tout. Ouais. Tu sais, quand tu dis dans le langage populaire, t'as-tu perdu l'esprit, donc? Ben oui, c'est ça quelqu'un qui est fou, quelqu'un qui a perdu l'esprit. Quelqu'un qui a manque d'énergie au niveau de son corps physique et charrié au niveau du mental. Tu sais qu'on dit quelqu'un, maudit qu'il a l'air d'être dénuée. Quelqu'un qui n'a pas deux pieds sur la terre, maudit qu'il n'a pas l'air solide. Ben va voir un ego qui est ferme, t'as rien qu'à regarder avec tes yeux physiques. Il marche les pieds soulevés, les talons soulevés. Puis la tête comme ça. Le monde ordinaire, c'est ça qui perd. Quand tu perds l'énergie, il n'y a pas la réalité. Hein? Mon père qui n'a jamais été école de sa vie, il disait, il y a deux côtés de notre médaille. Faire le nord. Elle retourne à l'autre bord que ça attaque, tu sais. Tu sais? C'est le langage populaire, là, le mot t'a dit que c'est plein dans ça. Le langage populaire, c'est l'accumulation et la confirmation de l'intuition individuelle sur un plan collectif. C'est comme si toutes les petites intuitions, là, parce que si toi tu dis quelque chose qui est intuitif et qui est réel, tu es tout seul. Mais quand tu as des millions de personnes qui le disent pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, là ça devient ça. C'est ça l'anglais. C'est très vrai. Seul, non. On n'est jamais prophète dans son pays. Mais tout le monde. C'est ça. Mais tout accumulé ensemble, là, c'est pour ça qu'une fois qu'on. C'est pour ça qu'une fois qu'on en arrive à savoir qu'on a raison, qu'on en arrive à pouvoir juger par soi-même de ce qu'on sait ou de ce qu'on dit, qu'on a beaucoup de plaisir dans la vie à parler. Beaucoup de plaisir. C'est là qu'on se nourrit. On se nourrit parce que parler, c'est de la nourriture pour le mental. Là, on se nourrit, on se nourrit. Fait que donne-nous de la soin. Bon. C'est un grand plaisir. Il dit que deux hommes conscients sur une île pourraient vivre sans manger. C'est une vibration. Tant que c'est fort. Rien qu'à parler. Il maintiendrait de l'énergie. Éventuellement, il changerait de plan. Mais parler. La communication, en tout cas, je connais ça des gens qui s'écoutent de la somme, il y a là assez de charriage là-dedans, c'est pas possible. Parler. Communiquer, là, les gens qui communiquent entre eux, là, c'est bien mêlé ce mot communication. C'est fantastique, c'est bien confus ce mot-là. Faut jamais se justifier à une autre personne. Ça, c'est pas communiquer. Se dire à une autre personne, ça, c'est communiquer. Et puis, je suis libre de ce que je dis. Alors, dans la vie du couple, ce que j'attends de mon mari, c'est qu'il communique. Il ne communique pas. Hélène, voudrais-tu me dire comment ça se fait qu'il ne communique pas? T'as-tu le goût de parler? Moi, je demande à l'autre bonhomme. T'as-tu le goût de parler? Il dit non. T'as pas le goût de parler, il ne communique pas. Il n'a pas le goût de se dire à toi. Laisse-les. Tu comprends-tu? On veut-tu qu'il parle? C'est ça qu'on charrie comme valeur actuellement. Là. Un couple qui marche, c'est un couple qui communique. Puis qu'est-ce qui communique? Il faut qu'ils disent toutes ses tripes à l'autre. Et moi, je me dis, on a chacun un privé. Un noyau central, c'est à nous autres, ça. Puis quand je l'ai tout dit à l'autre, la peur m'a poignassé. Parce que quand je l'ai tout dit à l'autre, tu comprends-tu que je l'ai? En tout cas, moi, ce que je vois, c'est comme des fils, je l'ai tout étalé. L'autre, là, la croûte de pain qu'il mange de toi que tu lui as donné, là, elle ne t'appartient plus, ça appartient à l'autre qui en fait ce qu'il veut. Puis là, ça ouvre des canaux, ce qui fait que je pense que je vais venir fou. Je vais venir folle parce que je ne m'appartiens plus. J'ai plus de centre à moi, de base, d'assise à moi là-dedans. Je suis toute ce qui arrive à étalée. Ce qui arrive, c'est que tu révèles les secrets de ta personnalité. Ben oui. Au lieu de révéler ce que tu sais. C'est ça, la peur. Ça aussi, c'est du discernement. Regardez ses recettes, il n'y a pas ça pour nous autres. Ouais. Elle est bonne, ma recette, je ne dirais pas de secret. Ouais, la peur, c'est ça. C'est ça. Okay. C'est ça. Communiquer, c'est ça. C'est ça que les gens font. Puis ils pensent qu'en révélant le secret de leur personnalité, que ça va tout égaliser la potence. Puis aussi, communiquer, c'est dire à l'autre ce que je sais de l'autre.